Merci encore pour cette grosse soirée qu'on a passée là avec vous. Ah, ça avec a été vite. Hein. À de plus en plus d'auditeurs là qui nous écoutent et qui nous appellent tous les soirs. Merci hein, sincèrement. Ouais. Vous êtes hyper nombreux aussi à réagir sur la page Facebook. Je tiens à dire qu'il y a beaucoup de personnes sur Facebook qui pensent être ton fils, Doc. Voilà. Ah. Donc il faudra aller vérifier tout ça sur la page demain. Sûr, pas de problème, et demain, ça serait bien. Non, ça va. Non, mais c'est vrai, c'est dingue ça. T'as 6 enfants, Doc. Dans l'équipe de Michael, il y a peut-être un de tes enfants. Ah Michael lui-même peut-être. Mais je ne sais pas. Je crois pas, non. Mais écoute, je ne sais plus. Oui, si c'est possible. Hein. Techniquement. Comment elle est, ta mère, déjà? Elle est blonde. Ah oui, oui. Ah oui, alors c'est possible. Le doc a serré ta mère, Michael. Ouais, peut-être. Bah écoute, pourquoi pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. On verra, je mènerai l'enquête. Oui. Et ne t'inquiète pas, je viendrai réclamer mon dû. Non, mais je crois que le doc a déjà des problèmes de thunes, alors. Oh merde! Laisse tomber. Ouais, parce que les héritiers peuvent payer les dettes du père. Hein. Oui, mais justement, c'est bon, j'ai mon père, ma mère, tout va bien. Oui, donc moi aussi, j'ai quelques problèmes financiers, doc. Je suis peut-être ton fils. Oui, c'est ça. Il se passe peut-être un truc. Hein. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Bon, Michael, jusqu'à 2h du mat, c'est parti. Éclatez-vous bien, les amis. Hein. Et bonne soirée à vous également. Et puis, rencard demain, dernière de la semaine déjà pour vous. Là. Vous êtes bien, oui, vous. Oui, hein. On est une bonne équipe de branleurs, hein, je te cache pas. Heureusement qu'il y a le doc qui bosse un peu dans cette affaire. Bah, merci, Michael. Non, mais ça il bosse plus que 4 jours sur 5, que sur 7. Ah, c'est exact. On travaille aussi tout le week-end pour préparer des belles émissions, bien sûr. Ouais. C'est vrai, à jouer à FIFA 14, n'est-ce pas, Karima? Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. D'ailleurs, il faut que je défie Polo, t'es au courant? Oui, je suis au courant, mais t'inquiète pas, c'est une victoire d'avance. Hein. Bah oui. C'est une victoire d'avance, t'inquiète pas. Bon, on essaiera, je ramènerai une PlayStation dans le bureau la semaine prochaine. Avec grand plaisir, on filmera tout ça pour nos Facebook respectifs. Avec plaisir. Bon, bonne soirée à vous. Bisous. Allez, ciao. Bye. Salut. Michael, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et oui, c'est parti, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne journée comme d'habitude. Moi j'ai failli tuer des gens ce matin, mais je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi. Et j'étais pas de bonne humeur ce matin du tout là. Bon, si vous débarquez sur Fun, pour la première fois en plus, soyez les bienvenus. Moi c'est Mickaël, Mickaël No Limit, c'est le nom d'émission. Vous pouvez nous retrouver du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat. Et puis le dimanche de 20h à minuit également. Donc si vous voulez venir faire les cons avec nous, vous êtes les bienvenus. Il suffit simplement d'appeler Sandro, standard 01 40 42 48 5000. Le 02 851 4x0, c'est le numéro du standard pour la Belgique. Ça fonctionne également. Vous arriverez quoi qu'il arrive sur le téléphone de Sandro. Et je vous prends direct comme ça, là, en direct, comme Jean-Victor qui est avec nous. Comment ça va, Jean-Victor? Ça va très bien, ça va. On est pas mal avec le prénom Jean-Victor. Jean-Victor. On te surnomme comment? JVA pour mon nom de famille, Jean-Victor Anglio. Et ok. Jean-Victor. Non, d'accord, ok, très bien. Bon, on va parler de quoi avec toi, JV? Alors, de mon passage dans Tellement Vrai qui a fait un buzz énorme. Attention, ouais, tu mets la barre haute là, attention. Bon, on va en parler dans un instant, JV, là, bouge pas de là. Hein. D'accord. Bouge pas. Puis Sandro qui est en pleine forme ce soir. C'est pas mal. Ouais, t'as vu. Sandro qui est en pleine forme ce soir? Oui, en pleine forme. Voilà, c'est ça, on a fait les têtes de tueurs. Hein. Allez voir sur le Facebook là, juste avant l'émission. Facebook.com/Mickaël officiel, venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Sandro donc en pleine forme. Donc, alors, justement, lâchez-vous, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Top va bien également en pleine forme. Pleine forme, effectivement. Ouais. Et puis le poète de l'émission, vous le connaissez maintenant, celui qui joue du non-stop. Du Polo, bien sûr. Salut. Le pipeau de Polo. Comment il va bien ce soir? Il va très très bien, il est au bon, top. Bon, tant mieux. Et puis comme tous les soirs également, vous pouvez devenir le top tweetos. Si vous êtes si vous avez un Twitter déjà, et comme vous êtes de plus en plus nombreux à essayer de battre Let's Be Freaks, qui termine numéro 1 quasiment tous les soirs. On verra d'ailleurs si quelqu'un va y arriver ce soir. Elle va encore montrer ce qu'elle a dans le ventre, tout simplement. Donc si vous voulez tenter de la battre, il suffit simplement de mettre un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs. Voilà, les meilleurs auditeurs de la soirée. Donc à vous de jouer. Hier, grâce à vous, on était en top 8 de 23h à 8h du mat. Ça, c'est bon. Comment vous expliquer qu'en plus, on n'avait rien demandé, mais c'est super gentil de votre part. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Donc on va voir et si on essaie d'en faire pareil ce soir. 23h03 déjà, donc un maximum de messages avec le hashtag MIKL, tout simplement. Bon, est-ce qu'il y a un son que tu kiffes en particulier, JV, là, actuellement? Alors par exemple, si t'as pas d'idée, il y a Martin Garrix avec Animals. Ah ça j'adore. Ah t'adores? Ah ça j'adore, oh mon dieu. Ou alors j'ai le nouveau Manian avec Flor Faila. t'adore aussi, mais tant mieux. Je préfère la première. Tu préfères la première? Ouais. Et alors attention, parce qu'avant minuit, je vais vous faire découvrir un nouveau son que j'adore vraiment. Le clip est énorme aussi, je vous le mettrai d'ailleurs sur le Facebook tout à l'heure. Le titre, alors ils sont pas fait chier, hein. C'est Both, B-O-T-H, et le titre c'est Both. Et le nom du groupe c'est Both. Bah au moins c'est facile. Voilà, c'est Both avec Both. Écoutez. Voilà, je vous le mettrai tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas. Both avec Both. Faut bien le prononcer par contre. Hein. Both avec Both. Voilà, c'est ça. Tu connais ou pas, JV? Ouais, j'ai déjà entendu, ouais. Mytho. Ah, quel mytho, il commence bien. Mais si, et puis aussi la PlayStation 3 que je vous offrirai tout à l'heure avec GTA 5. Si vous voulez tenter de gagner votre PlayStation 3 et GTA 5, eh bien, il va falloir répondre à la colle de Priscilla dans quelques instants que nous allons accueillir avec grand plaisir sur l'antenne de Fun Radio. Voilà, et puis sinon, vous pouvez aussi aller voir toutes les conneries qu'on a mises sur le Facebook aujourd'hui. Une belle vidéo aussi avec une meuf qui tente de nous donner un cours. De comment est-ce que je dois me sécher, comment je dois faire des boucles dans mes cheveux, et vous allez voir que ça se passe très très mal pour ses cheveux. Donc allez voir, la vidéo est sur le Facebook, faites-vous plaisir, facebook.com/mikaelofficiel. On aura des lecteurs DVD aussi, lecteurs Blu-ray à vous offrir avec le jeu du je t'emmerde tout à l'heure, puisque c'est mercredi et que le mercredi, eh bien, c'est le Je t'emmerde. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez jouer avec nous, pareil, vous appelez Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour jouer avec nous au Je t'emmerde. Ce sera d'ici 30 minutes à peu près. Et puis ce matin, alors je sais pas si ça t'est déjà arrivé, j'y vais, t'habites dans quoi toi? Appartement, maison, t'habites dans quoi? Un appartement. Appartement, pleine ville ou plutôt campagne? Ville, à moi c'est la ville, bah, ville. Oh my god, campagne, non c'est pas bon. Oh my god. Avec les bouches, mais enfin, comment penses-tu? Mais écoute, contre toute attente, ce matin je me suis fait réveiller par un... Non, je vais pas l'insulter parce que le mec travaille normal en fait au final. Mais bon, il était 9h30 du mat, donc j'ai un petit peu tôt quand même pour moi, hein, puisqu'on se couche quand même vers 4h. Et le mec en fait en plein Paris, donc tu vois, c'est-à-dire quand même que normalement il est pas censé avoir ce genre de bruit là. Tu sais, dans Paris, t'entends pas les tondeuses normalement, tondeuses à gazon. Et ben là le mec pendant 1h30 il avait une tronçonneuse. Je ne sais même pas ce qu'il faisait avec une tronçonneuse, il m'a rendu complètement fou. Il tuait quelqu'un, c'est... Je sais pas, peut-être, mais il m'a rendu hystérique. J'étais comme un dingue ce matin. Donc voilà, j'ai eu des envies de meurtre, donc je sais pas si vous avez déjà eu des envies de meurtre. C'est genre quelqu'un qui vous réveille, ou le voisin qui fait du bruit, toujours le même bruit, parce que lui il se rend pas compte, il s'en fout, il est déjà réveillé depuis longtemps. Le chien du voisin qui aboie. Ou le chien, ouais, c'est horrible. Juste envie de lui casser le cou, quoi. Ouais, moi j'avais ça avec la femme de ménage du mec qui habite au-dessus. Ah ouais, l'aspirateur, non, tout ça. Non, ça à limite ça me dérangeait pas trop. C'est juste que la meuf, en fait, son kiff c'est de faire le ménage mais avec la musique à fond. Ah oui, c'est une idée aussi, ouais, pourquoi mais pas. À 9h du matin c'est dur. Ouais, et toi JV, t'as déjà eu des envies de meurtre comme ça avec quelqu'un qui t'a vraiment saoulé? Ouais, moi c'est mes voisins et surtout les chiens aussi. Ah, les chiens aussi, ouais, mais ça c'est un peu tu... les chiens, ouais, ça me... Ah ouais. Pourquoi tu dormes dans un endroit, c'est t'as des clebs qui aboient chez le voisin ou dans la rue ou en face, un truc comme ça, et toute la nuit, ouais, putain, t'as juste envie de prendre un flingue et pouf. Après, t'es content quand même parce qu'ils montent la garde, quoi. Ils montent la garde de rien, t'es sérieuse? Bah, si, oui. Quand c'est des petits roquets qui arrêtent pas de gueuler parce qu'ils voient n'importe quoi passer, là, tu prends un truc et... Terminé. Ouais, puis terminé. Chez mes parents, il y a Benji, le chien au beau milieu de la nuit, il aboie, il y a rien. Non mais Benji, comment t'expliquer que le truc c'est vous voyez la pub de la bouffe César là, petit chien blanc là, bah, c'est ça. Non, c'est pire. C'est pire parce qu'il est plus grand et il est plus con. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est pour vous dire. Note, tel père, tel fils. Hein, par rapport tu ne vois pas de quoi tu parles. Oh, arrête, c'est ton chien, Toff. Pas du tout. Arrête, c'est ton chien. Allez, ici, c'est ton chien. Je n'assumerai jamais ce chien. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Comme beaucoup de choses. Ouais, comme beaucoup de choses, voilà. Bon, j'y vais. Alors, on va parler de quoi? Donc, toi, t'as fait une émission de télé, Tellement Vrai, c'est ça? Ouais, Tellement Vrai, ouais. Sur Énergie 12. Sur les coups, ouais, nous, on s'en fout. Mais donc, Tellement Vrai, très bien. Et donc, on va en parler dans un instant. T'as fait quoi exactement dedans? Bah, je jouais la star, l'enfant roi, ma mère me coiffait. Ah oui, bien sûr, suis-je bête? Mais oui, je me souviens de toi, effectivement, quel talent, j'y vais. Effectivement, pour vous donner une petite idée, effectivement, quand il parlait de la mère assistante, bon, c'est vrai quoi. Hélène, sa maman, culpabilise du divorce et accepte tous les caprices de son fils. Alors, ma mère m'apporte mon petit déjeuner au lit comme un petit prince. Elle me coiffe comme mon assistante. Des fois, elle met ma ceinture. Parce que des fois j'ai mal au bras, donc voilà. Non, mais attends, JV, t'es quand même un sale con quand même. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est un peu surjoué. Il nous demande de jouer à la comédie, donc moi j'ai joué à la comédie. Ah bon, alors bouge pas, très bien. JV, on va en parler dans quelques instants. Si vous l'avez vu, JV, appelez-nous au 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et si vous aussi, comme JV, vous êtes un assisté vous avez toujours besoin que les gens fassent tout pour vous parce que voilà, vous préférez comme ça, préférez cette vie-là, appelez-nous également 01 42 48 5000 ou 02 851 4 x 0. Dans un instant, on va se faire la colle avec Priscilla et puis on accueille également Xavier qui est avec nous ce soir, un auditeur. Ok, hop là, on l'a mis son micro, c'est parfait. Ça va Xavier ? Ça va. Ah bah merci de passer, hein, Xav. Nickel. En plus, il est venu avec un petit cadeau pour Sandro. Ah bon ? Mais oui. Ah, oh, c'est gentil. Je t'ai amené plein de chocobons, plein d'amis. Les kilos, trop. Non, j'ai pris du spécial régime, c'est bon. Ah bon, ça va, alors tu vois, c'est spécial régime. C'est vrai ? Non. Mais non, c'est pas vrai, depuis quand il y a des chocobons light Bah, peut-être que j'étais pas au courant, mais ça c'est un rayon que j'évite, hein, donc... Bah ouais, mais t'inquiète pas, là, tout le rayon est venu à toi, là. T'as vu, t'as même des M&M, je les vois d'ici, là. Merci les chocobons. Ah, bah ouais. Bon, bah Xav, fais comme chez toi, hein, n'hésite pas, hein. Ça marche. Bon, il y a au niveau de l'odeur, au niveau de Toff. Attends, j'ai oublié de mettre le spray, d'ailleurs. Toff, ouvre la bouche. Voilà, attends. C'est mieux quand même. Très bien, parfait. Merci. Là on est mieux. Bon, et on accueille Priscilla avec nous là. Bonsoir Priscilla. Bonsoir. Comment vas-tu Priscilla? Ça va. Bon, on va se faire la colle. Oui. Allez, c'est parti. Vas-y pour la colle Priscilla, on t'écoute. Je suis de petite taille, pourtant grâce à moi vos souvenirs restent intacts. Qui suis-je? Je suis de petite taille, pourtant grâce à moi vos souvenirs restent intacts, c'est ça? Oui. Qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse, sachez que vous allez jouer pour gagner une PlayStation 3 et le jeu GTA 5. C'est le jeu du moment, tout le monde en parle. Ils ont déjà fait plus d'un milliard de recettes en une semaine. Donc là, ça fait plus d'une semaine, donc on est déjà à bien plus, à mon avis. Mais si vous voulez le gagner, PlayStation 3 plus GTA 5, il faut répondre à la colle de Priscilla, 24 ans d'Evreux. Je suis de petite taille, pourtant, grâce à moi, vos souvenirs restent intacts. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement M-I-K-L, les 4 lettres. Espace la réponse, vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Alors attention, PlayStation 3, GTA 5 est gagné. Je suis de petite taille, pourtant grâce à moi vos souvenirs restent intacts. Qui suis-je? C'est ça? Oui. Parfait. Bon ben à vous de jouer maintenant. Hein. Voilà. Et Mickaël, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Pour ceux qui veulent avoir la colle de visu, elle est également disponible sur le Facebook de l'émission depuis une minute là. Facebook.com/Mickaël officiel. Priscilla, on te récupère dans quelques instants. Oui. Bon, parfait, ne bouge pas Priscilla. Est-ce que t'as un son que t'aimes bien là actuellement? Un son dance floor que tu kiffes plus qu'un autre? Celle qui est sortie il y a pas longtemps. Ah, ça je suis bien avancé. Ou n'importe, j'aime bien les musiques. Non mais laquelle tu dis celle qui est sortie il y a pas longtemps? Je me rappelle plus du nom parce que j'écoute pas souvent la musique. Ah là là. Tu peux nous la chanter ou pas? Ouais, tu peux la chanter un peu? Alors là. Ah, vas-y. Je crois que c'est... Je sais plus du tout. Non, je vois pas moi. Je sais plus du tout, ça me dit rien. C'est pas ça? Si. Non, t'es sérieuse? Oui. T'es sûr? Oh putain, je suis voyant. J'arrive à voir dans le cerveau des gens. Oui, c'est celle-là. Bon, bah c'est Britney Spears pour ton info avec Wamp Bitch. Bah voilà. Et bah écoute, on la passera tout à l'heure alors. Putain, j'ai eu une chatte là. Je vais immédiatement jouer au loto. Putain, quel coup de bol. Bon, bah Priscilla, bah reste avec nous là pour la colle. On va reparler avec toi dans quelques instants. On va récupérer aussi JV là qui a participé à Tellement Vrai. On en parle dans un instant. JV, tu restes avec nous. On va se mettre Martin Garrix justement, tiens, comme tu l'avais choisi. Okay, c'est bon. Allez, c'est parti. Martin Garrix maintenant sur Fun Radio avec Animals. Soyez les bienvenus si vous débarquez. C'est Mickaël No Limit. Comme tous les soirs, on est là au cœur d'une heure sans pub à 23h12 en direct sur Fun Radio. Mickaël No Limit de 23h à 2h du lundi au jeudi et le dimanche de 20h à minuit. Pendant que Sandro est déjà parti en train de bouffer les chocolats de Xavier. Eh ben bravo. J'y vais. Tous les soirs. 23h, 2h, No Limit. Mickaël, sur Fun Radio. Exactement, sur Fun Radio, on est là tous les soirs en direct avec Toff qui est sous la table, avec Polo, je ne sais pas ce qu'ils font, mais on c'est... On répare un truc, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, comme c'est étonnant que tu sois sous la table, Toff. C'est bon là ? Étonnant. Parfait. Bon, plein de messages qui arrivent. L'aspirateur au réveil, là, c'est une angoisse. C'est Let's Be Freaks qui disait ça. Je vous avais demandé si vous étiez déjà, si vous êtes déjà pété une durite comme moi ce matin avec le mec qui était en train de faire la tronçonneuse, genre avoir des envies de meurtre. Bon, on sait qu'on va pas le faire pour une connerie comme ça, mais sur le moment même, t'es tellement énervé. Il y a Clara qui dit aussi après quelques jours de pause, je reviens en force, les loulous. Ben, bienvenue à toi, Clara. Loïc qui dit le mercredi, tout est permis. Exactement. Clara qui dit salut l'équipe. Vous pourriez passer Selena Gomez avec Slow Down. Oui, je vais essayer de te passer ça avant la fin. fin d'émission. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Cyril qui dit salut à tous, on coupe à la radio. Je vous écoute aussi sans coupure. Eh ben tu fais bien, en plus là on est encore d'une heure sans pub. Lilou sur le Twitter qui dit malgré la fièvre, je suis OP pour aller jusqu'à 2h du mat. C'est bien, courage bravo à toi Lilou, bravo à toi. Et Noémie qui dit je m'en fous de GTA ou de FIFA ou les iPhones, lol t'es trop mignon. Merci Noémie, c'est gentil. Et Pierre qui dit Jean-Victor alias j'y vais ou j'y vais pas. Perso, j'irai pas. Merci Pierre pour cette vanne magnifique. Hein. Extraordinaire cette vanne magnifique, grandiose, exceptionnelle, voilà, tout ça quoi, tout ça. Tout ça. On jouera où je t'emmerde aussi dans quelques instants sur France Radio. Je t'emmerde. Voilà, si vous voulez jouer, il y a des lecteurs Blu-ray à gagner. Vous vous inscrivez maintenant, vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4 x 0. Bon, alors retour avec JV. Toujours là, JV? Ouais, je suis toujours là. Bon, voilà, donc il y a, comment t'expliquer, qui a participé à cette magnifique émission qui est tellement vrai, c'est bien ça? Tellement vrai, ouais, c'est voilà, ça. Voilà, tellement vrai. Et donc, du coup, tu nous avais appelé. Pourquoi tu nous appelles déjà, au fait? Bah, pour vous dire un peu l'envers du décor du tournage, comment c'est monté, c'est vraiment truqué, quoi. Ah, c'est truqué? Ah, mais ouais. C'est truqué comme Confessions Intimes? Ouais, c'est le même genre d'émission, ouais. D'accord, ok, très bien. Donc en fait, ils nous demandent de faire des choses, on le fait. Et en général, ils prennent des comédiens sur Internet. Moi, ils m'avaient contacté sur Facebook parce que j'étais très intéressé par la télé, etc., le monde de la télé. Donc ils m'ont contacté, ils m'ont dit, faut que tu fasses le roi à la maison, etc. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là, justement, là, je fais la présentation pour ceux qui viennent de débarquer. Alors écoutez, c'était JV, la télé, là. Hélène, sa maman, culpabilise du divorce et accepte tous les caprices de son fils. Alors ma mère m'apporte mon petit déjeuner au lit comme un petit prince. Elle me coiffe comme mon assistante. Des fois, elle met ma ceinture parce que des fois, j'ai mal au bras. Donc voilà. Non, mais sans déconner, quoi. Scandaleux. C'est pas sérieux. Et attendez, parce que c'est pas le pire. Il y a ça aussi là qu'on a trouvé. À 17 ans bien tassé, Jean-Victor demande encore à sa maman de lui lasser ses chaussures. Voilà, la star est fatiguée. La star, je sais pas quoi, mais... Il abuse de cette situation et se prend pour une star à la maison. Non, mais t'es sérieux avec ça quand même, le niveau des chaussures, pour là? Non, pour les lacets, c'est pas vrai. Après, je me prends pour une star, ça c'est vrai, mais pour les lacets, c'est abusé quand même. Après, je me prends pour une star quand même, ouais, d'accord, ok, ouais. Alors, j'ai aussi le moment où t'as essayé de faire des courses. Il faut faire les courses. Une chose qui paraît pourtant simple, pas évident pour Jean-Victor. Ah ouais. Je suis trop perdu, là, je suis trop perdu. Je suis dans les vins, c'est pas ici. J'arrive dans les papiers cul, c'est pas là. Perdu dans les allées du supermarché, il finira par choisir la solution de facilité. Je vais mettre la pizza dans le four et hop, des petites crevettes dans une assiette. Je pense que c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon, mais en fait, t'as jamais mis les pieds dans un supermarché, en non, fait. Non, ça c'est vrai aussi, jamais fait les courses de ma vie, je déteste ça. Non, mais moi, j'aime pas non plus. Mais enfin bon, il y a un moment, tu vas quand même, quoi. Il y a un moment, faut bouffer, quoi. Bah, il y a un moment, faut y aller, quoi. Et même la vaisselle, apparemment, t'es pas doué, hein. Jean-Victor finit par faire la vaisselle avec une technique bien à lui. Je vais passer un coup d'eau dans la assiette et ma mère le fera après. Elle va croire que c'est bien propre, mais en fait, c'est pas du tout. Eh ben voilà. Hein. Oh là, sans déconner. Après, voilà, je pense que j'ai réussi mon coup parce que j'étais en top tweet. Mon prénom, Jean-Victor, était en top tweet pendant toute l'émission. Donc pour moi, j'ai réussi mon coup. D'accord, mais tu sais qu'en même temps, c'est pas le fait d'être en top tweet, bon, c'est sympa, mais non, c'est... Voilà, mais parce qu'il y en a plein comme ça, là, et qui sont toujours en top tweet, c'est pas pour autant des stars, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais voilà, mais après, si on parle de Dorian Rossini, moi, je me compare pas à lui, je me compare à moi, Jean-Victor, d'accord. Puis, Attends, parce que là... à toi-même, tu es vraiment pris pour une star. Hein. Ouais, parce que du coup, on s'est fait assaillir, là, il y a Alessandro, il y a Arnaud, ils ont tous fait tellement vrai. Voilà. Ça va, les gars? Ouais, ça va et toi? Tout le monde a fait tellement vrai. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, alors, donc, Alessandro, ouais. T'appelles de Strasbourg, toi aussi, fais-toi. Salut, Mickaël. Ça va, Alessandro? Bah oui, ça doit te dire quelque chose. C'est Cornelia, ma copine, et c'est moi qui suis ton grand fan, Mickaël, oui. Qui a des années à taguer sa Renault célèbre Clio. Voiture. Eh oui. Sur une ex-radio. Mais j'appelle, moi, je n'appelle pas, j'appelle RJ12 en fait, tu vois, je mets pas la première lettre en fait. Mais en même temps, on s'en fout, hein, tu sais, Alexandre. Mickaël, tu sais que je t'adore et je t'écoute chaque soir et j'adore la voix du Corse et notamment la personne qui dit ta gueule, connard. Mais t'inquiète pas, je vais te le mettre. Bon, sinon, Alessandro, t'as fait quoi toi dans Tellement Vrai? Alors moi, en fait, moi, ils m'ont contacté parce qu'en fait, moi, je suis joueur de poker et de casino. Ouais. Et en fait, moi je fais vivre un enfer à ma copine, c'est-à-dire que je suis 10 heures sur internet par jour. Et bah, ma copine, en fait, elle le supporte plus, en fait. Bon, non, c'est peut-être bien pour elle, hein. Elle s'en rend pas compte, toi, comme ça, mais... Voilà. Et puis, bon, bah, moi, là où je suis pas trop d'accord... Salut, Jean-Victor, quand même. Ah, salut, Jean-Victor. Voilà. Oh, putain, on va faire un truc, c'est tous ceux qui ont fait l'après, ouais. Tellement vrai, c'est qui ont pété une durite. là où je suis pas trop d'accord avec, avec Jean-Victor, c'est que c'est pas du tout des comédiens. Je trouve un petit peu étonnant c'est les. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Non, il a dit que c'était. Il y a des trucs et des truqués ou exagérés. Ouais, il lui demande de jouer. C'est pas aussi, les gars. Exagéré. Attendez, chacun son tour. Très exagéré pour moi, pour mon cas. Voilà. Et donc, attends, il y a Arnaud aussi qui est là. Arnaud, t'es là ? Voilà, exactement. Ouais. Ça va, Arnaud ? Ça va tranquille. Et alors, par coup de bol, on vient de trouver justement ton passage. C'est parti, il fait beau. C'est bon, là, on y est. Ouais. On va commencer à pécho. Bonjour. Est-ce que ça vous tente ? Voilà, vous en choisissez un ou aucun, comme vous voulez. À vous. Vu vos têtes, aucun. Bon, ben voilà, donc comme ça, au moins, ça avait été, les choses avaient été faites. Et là, tu montres les mauvais passages. Et au fait, je voulais dire à Alejandro, franchement, moi, je trouve qu'ils t'ont pris pour un con un peu dans l'émission. Ouais parce que toi pas en fait battle. Enfin, excuse-moi Jean-Victor, tu vois, seul à la fois. C'est qui, c'est Jean-Victor? Non, c'est Mickaël. Non, c'est Arnaud, tu passes pour un con. Ta gueule, connard. Oh putain, ils refont les expressions maintenant, on est pas dans la merde. Ouais, non mais franchement, non, ils m'ont pas pris pour un con. Je sais pas si Mickaël si t'as vu l'émission. Bon moi c'est vrai que moi j'ai un petit peu des allures de beauf, mais ça tout le monde le sait. Et bon, en fait, on me voit à un moment encourager le cheval derrière la télé. C'est vrai que là, c'était un petit peu abusé, tu vois. Ouais. C'est vrai que je suis le seul mec qui encourage le cheval derrière la télé. Donc, faut voir quand même la scène, quoi. Ouais. Donc, non, mais voilà, mais mais ça, attends, excuse-moi, mais c'est quand même exagéré le truc. Tu le fais pas naturellement, quand même, si. Très franchement, Mickaël, ouais, je suis un petit. Imagine ta sœur, Mickaël, elle court les Jeux Olympiques derrière ta télé. Tu vas quand même l'encourager, non? Oui, non, mais d'accord, mais de pas pas sauter au plafond et. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais mais bon moi mon cheval court, je veux dire je l'encourage derrière ma télé ouais. Non mais pourquoi pas. Et c'est une expérience que vous allez retenter ou pas? Ouais par contre je veux juste te passer Cornelia qui est une grande fan de toi Mickaël, voilà. Mais c'est pas le sujet Alessandro. Il est fan. Oui mais je sais bien, mais moi je suis fan de plein de gens aussi, je les appelle pas pour autant. Bon comment tu t'appelles? Allô? Allô bonjour, comment t'appelles-tu? Cornelia. Cornelia, très bien, t'as quel âge Cornelia? J'ai 22 ans. 22 ans, très bien. Okay. Ah bah, attends une seconde. Combien mesures-tu, Cornelia? Ah, je mesure... Ah non, j'ai pas commencé à dire ça. On t'a pas... Ah si. On y va, là. Alors, combien mesures-tu, Cornelia? Je suis 1m60. Combien pèses-tu, Cornelia? Ah, je suis grosse, par contre. Hein. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Sans surpoids. Je fais 65. D'accord. Bon, ça va, 1m60, 65 kilos, t'es sérieuse? N'importe quoi. Donc, quel est ton tour de poitrine? 200C, non je rigole. Non, 95C. D'accord, la taille dans les pantalons que tu as acheté? 40. D'accord, il est temps de t'en remettre un peu au sport quoi. Non mais t'es sérieux, oui. Mais t'as vu ta tête. Non mais vous avez raison, y'a pas de soucis. Non mais sans déconner, est-ce qu'il a vu sa tronche lui? Ouais, je l'avais senti tout de suite. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a seulement vu sa tronche à un moment ou à un autre? C'est ça la question qu'on peut se poser quand même. Non mais c'est vrai. Et c'est parce que j'ai vu ma tronche que je sais que je peux me permettre. Mais oui, bah justement. Bon bah du coup, j'y vais, tu vas retenter l'affaire toi ou pas? Ah ben moi c'est ça ce que je veux faire. C'est toi tu veux faire de la télé, toi tu veux devenir une star quoi. Moi je dis oui tout de suite, c'est mon d'accord. Truc. D'accord. Voilà. Ok bon bah écoute voilà, au moins on saura. Hein, si jamais vous êtes une chaîne de télé, n'hésitez pas. Tu dis Arnaud. Je voudrais aussi un petit message pour tous les gens qui me soutiennent, parce que dans la rue voilà, beaucoup de gens prennent des photos avec moi et je les remercie. Ah vraiment alors. Je les remercie énormément et ça me touche. Jean-Victor est là. Voilà. D'accord. Ok très bien, parfait. Bah toi on va aller faire un petit peu de ça aussi, petit peu de télé. Mais avec plaisir. Moi j'ai. Mais voilà pour que les filles viennent vers lui comme ça. Prête à coucher avec toi. Oui, qu'elles accourent comme ça par centaines pour me toucher le torse. Super. Bon, ben merci. Oh, tof, tu es beau. Arnaud, Alessandro et JV, là, vous revenez quand vous voulez. Hein. Merci à vous. Allez. Super sympa, je vous kiffe. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Salut à vous. Ciao à vous. Bye bye. Bon, bah alors, ce qu'on va faire dans un instant également, venez nous dire aussi pourquoi. On aurait dû leur mettre quelques coups de pelle dans la gueule. Moi. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Voilà. Voilà, comme ça au moins ça y est, l'antenne est nettoyée, maintenant on est tranquille. Bon, il y a Justine aussi qui dit en gros le mec vient témoigner pour dire qu'il est vraiment un bolos. On peut voir c'est ça comme ça. Hein. Alors la Clem aussi qui dit les chaînes télé qui mettent des émissions truquées, c'est quoi leur problème? Célia qui dit tellement vrai, c'est trop des arnaqueurs. Joséphine aussi qui dit ce qui me fait péter un plomb le matin, c'est quand quelqu'un sonne à la porte et qu'il insiste. Ah ouais, grave, putain, ça c'est un truc qui peut être énervant également. Par c'est jouissif. Oui. le facteur, quand il doit te déposer un pli, lui, il insiste jamais. Ah non, hein, limite, voire, il sonne pas. Voire, il ne sonne même pas. Exactement, ouais. Ou alors, il le prend. C'est juste un petit papier. Je suis venu, mais vous n'étiez pas là. Ouais, c'est ça, t'as même pas sonné, enculé. Et Nano aussi qui dit enfin, c'est jouissif de vous avoir à l'antenne. Jean-Victor, classe le prénom, c'est Mister Steven. Et Barbie qui dit allez, Mickaël, remonte-moi le moral. Bah, qu'est-ce qui se passe, Barbie? Nicolas aussi qui dit passez bouilla, please. Sinon, j'adore votre émission. Je vous écoute depuis la rentrée, j'arrive plus à décrocher. Bah, c'est gentil, Nico. N'oublie pas de faire passer le message d'ailleurs autour de toi. Évidemment, on va jouer au jeu du je t'emmerde dans un instant avec Jérémy et Leslie. Bonsoir tous les deux. Salut. Comment ça va? Salut. Bah, ça va. Bon, bah tant mieux, j'ai envie de vous dire alors. Parfait. Et par contre, on n'a pas de nouvelles de Jérémy. Bonsoir. Ah, voilà, Jérémy est là aussi maintenant, tout va bien. Bon, alors, on va jouer au je t'emmerde dans quelques instants. Vous connaissez le principe? Oui, oui. Oui, à peu près. Oui, à peu près. Eh ben, très bien. Alors, le principe est relativement simple. Hein. Vous allez devoir appeler quelqu'un dans un instant d'une personne au hasard. On ne sait pas qui, sur qui on va tomber. Un garçon, une fille, un jeune, un vieux, peu importe. Et le but, placer un maximum de je t'emmerde dans la discussion. Tout simplement. D'accord? Ok. Voilà. Okay. Si vous y arrivez, bah, celui qui arrive à en placer le plus, bien sûr, gagnera le lecteur Blu-ray. Est-ce que vous étiez à l'écoute de l'émission hier soir, Jérémy et Leslie? J'ai pas pu. Ah bon, bravo. Eh ben d'accord. Ah c'est comme ça. Ah d'accord. Bon heureusement on va vous remettre. Bon je vais pas dire le meilleur moment, mais en tout cas un des meilleurs moments puisque c'est Toff qui avait essayé d'appeler hier pour sauver le Venezuela puisqu'il y avait une pénurie de papier toilette. Et bah ça s'est pas vraiment bien passé. Alors, bah justement comme vous étiez pas là hier soir, écoutez c'était hier soir sur Fun Radio. Allez hop. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, je vous appelle parce qu'il y a pénurie de papier toilette au Venezuela. Elle va te faire enculer au clochard. Mais monsieur. Clochard. Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Qu'est-ce que tu me parles, enculé? Mais je vous appelle parce qu'il n'y a plus de papier toilette au Venezuela. Elle va te faire enculer, elle va te faire. Très sympa, on est encore une fois chez les Corses. Vous connaissez les Corses ou pas, Jérémy et Leslie, là? Ouais. Ah bah très bien, bah, on va vous le représenter encore un, il est cool. On rappelle. C'est un ami. Oui, c'est tous des amis. Et vive la Corse Libre. Allô. Oui, excusez-moi, j'étais avec votre mari, madame, mais il a pas bien compris pourquoi je l'appelais. Non, mais écoutez, on a pas que ça à faire maintenant. Vous avez vu l'heure qu'il est ou quoi? Bah oui, mais moi je vous appelle parce qu'il y a plus de papier toilette au Venezuela. Non, écoutez, nous avons pas que ça à faire. Alors maintenant, vous cherchez quelqu'un d'autre, hein, merci. Hein. Vous pourriez faire un don. Non, mais bah visiblement, c'est pas ce qu'elle a voulu faire. Hein. On rappelle encore un coup. Voilà, c'était hier soir, hein, pour ceux qui avaient raté l'épisode du... Espèce d'enculé, va. Qui tu es? Espèce de petit pili de merde, va. Mais qui tu es, toi? Va te faire enculer, maintenant. Mais qui tu es? Non, mais calme-toi. Qui tu es? Va te faire enculer, salope. Eh, oh, j'ai un gosse et tout. Qu'est-ce que tu m'appelles, maintenant, en cloche? Par contre, faudrait bien niquer ta mère, si tu veux. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà, bon, c'était l'appel, évidemment. Après, on avait fait avec tout le petit bruitage. On était là de remettre ça à l'occasion, évidemment. Il n'y a pas de souci. Bon, vous bougez pas de là, Jérémy Leslie. Le je t'emmerde, okay. Il va débarquer dans un instant. On remettra un coup la colle également avec Priscilla. Et puis, Jérémy Leslie, ça vous chauffe, Magnan et Just Another Night? Nouveau son que je vous avais fait découvrir, là, il y a une ou deux semaines. Même deux, même. Ça vous parle pas ou pas plutôt, oui. Bon, alors, je vous la mets, oui. Vous me direz juste après si vous aimez ou pas. Allez, c'est parti. Magnan maintenant et Floor Fila, Just Another Night sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, bienvenue au cœur d'une heure sans pub. Mickaël No Limit, c'est jusqu'à 2h du mat du lundi au jeudi. C'est Fun Radio avec Just Another Night, c'est Magnan et Floor Fila. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Ferme ta gueule, les colards. No Limit. Sur Fun Radio. Avec dans un instant une nouveauté là que j'ai découvert cet après-midi, je vais vous la passer tout à l'heure, hein. Ce sera dans moins d'un quart d'heure, le son de Both avec Both. Ils sont pas fait chier pour le titre, ça c'est l'avantage. Bah Both. Ah ouais. Voilà, B-O-T-H. Je vous mettrai le clip aussi qui est juste bien foutu hein, sur le Facebook de l'émission. Voilà, je vous mets ça dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio, Both avec Both. Et il y a des messages aussi, il y a Ryan qui est trop marrant avec le Corse. Je te suis depuis une semaine et je kiffe, j'espère que tu liras le message. Ah bah bien sûr Ryan, pas de problème. Il y a Cédric aussi qui dit, vous nous vendez du rêve, là continuez comme ça. Il y a qui aussi, Jérémy qui dit, adepte de Mickaël No Limit depuis hier et je continuerai tous les soirs à vous écouter. Vous êtes les meilleurs. Merci Jérémy. D'ailleurs j'ai juste un petit message pour toi Jérémy de notre ami Corse. Espèce espèce d'enculé, va. Voilà, c'est tout. Bon accueil, bonjour. Voilà, vous arrivez ici, vous êtes bien accueilli. Bof, c'est un peu bof. C'est bof, exactement. Attends, j'ai un autre message qui est arrivé là. Attends. Ta gueule, connard. Voilà. Bon, il y a Jean-Philippe aussi qui dit faites du bouche à oreille pour faire venir du monde. Bah, et je compte sur vous, évidemment, pour faire venir du monde dans l'émission. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Mister Steven qui dit oui, voilà une désinfection au niveau de l'antenne, merci à vous. Et Apache Tomorrowland qui dit mon voisin taïssé à 6h du mat. Oh, les casse-couilles, pourquoi ils font ça si tôt? C'est ça le truc. Tony qui dit ah, le boss, Mickaël est là. Merci Tony. Et effectivement, on est là jusqu'à 2h du mat. Et coucou la team, c'est Kekiria, on est là aussi. Vous aussi, tant mieux. N'hésitez pas à venir nous rejoindre d'ailleurs, hein, Facebook et Twitter. Vous tapez M-I-K-L officiel pour venir nous rejoindre de plus en plus nombreux. On est plus de 50 000 en plus depuis, depuis 10 jours là, donc bah, c'est cool. Bah, vous passez bien le message autour de vous. En tout cas, bravo à vous et merci surtout. M-I-K-L officiel, Facebook et Twitter. Et sur Twitter, si vous me faites un follow, je vous follow également. D'ailleurs, Jérémy et Leslie, vous êtes sur Twitter aussi, vous ou pas? Non. Et non, pas moi. Eh ben voilà, Facebook aussi. Facebook, oui, quand même. Ouais, bah, oui. D'accord, et vous avez fait un like sur la page, bien sûr, de l'émission M-I-K-L officiel. Évidemment, Jérémy. Aussi. T'es sûr? Si je vérifie, je trouve. Ah bah si tu veux. C'est pour être sûr. C'est pour pas faire l'enfume du oui, je dis oui parce que sinon il va me faire perdre. Bon, on y va, on va jouer maintenant à ce magnifique jeu qui est le... Je t'emmerde. Je t'emmerde. Oui. Je t'emmerde. Exactement. Bon, allez, pour jouer, c'est très simple. Je rappelle le principe pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Tous les mercredis, on fait ça aux alentours de 23h35. Le jeu du Je t'emmerde. Et on va rappeler Jérémy parce que ça a coupé. Le jeu du Je t'emmerde est très très simple. Vous allez devoir donc appeler quelqu'un au hasard. On ne sait pas du tout chez qui on va tomber. Un vieux, un jeune, une fille, un garçon, peu importe, on ne sait pas. Le principe, peut-être, si c'est lui qui décroche. Le principe est donc que tu essayes de placer un maximum de Je t'emmerde, Leslie. Oui, il n'y a pas de problème. Et Jérémy aussi. Comme Jérémy, ça a coupé, on est en train de le rappeler. Tu vas démarrer, Leslie. Attention, est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Attention, je rappelle également qu'il faut faire des phrases logiques, hein, pas juste des « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Il faut faire des vraies phrases, une vraie conversation, d'accord? Il n'y a pas de souci. Parfait. Jérémy qui vient d'arriver aussi. Parfait, on y va, on appelle. Le premier, c'est pour toi, Leslie. Il faut en mettre un maximum, bien sûr. Dès que tu n'entends plus de Sandrine ni de musique, c'est à toi. Allez, Leslie. Allez les filles. Allez. C'est où quoi, c'est Girl Power? Allez. Allô? Oui, allô, je suis désolée de te rappeler à cette heure-ci, c'est vrai qu'il est tard, je t'emmerde. Mais ton message avait l'air plutôt important, je t'emmerde, donc tu voulais me dire quoi, je t'emmerde? Mais vous devez vous tromper de numéro là. Ah bah non, je t'emmerde, y'a que toi hein. Qui m'appelle à cette heure-ci, je t'emmerde. Vous pensez parler à qui là, s'il vous plaît? Bah, c'est moi, tu me reconnais pas, je t'emmerde. Ouais, c'est non, mais là, c'est une blague, là, ou quoi? Elle a de la chance. Ah non, alors, pardon, si, je t'emmerde, pardon, je suis désolée, mais je suis atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette, je t'emmerde, et je dis toujours, je t'emmerde tout le temps, donc si je me suis trompé de numéro, ne le prenez pas pour vous, je t'emmerde. Ouais, pas mal. Mais c'est hop, pas... Terminé. Top, pas mal. C'était, pour moi, ça avait un peu mal démarré, puis ouais, t'as géré bien, avec la tourette, là, c'est pas mal. Alors, ça fait combien, t'as? Ça fait 10. Ah, 10, bravo, c'est mais... bien, 10, c'est un beau score, Leslie, hein, pas mal. Bon, Jérém? Oui. Bon, vous avez droit à deux appels chacun, bien évidemment, et on prend le meilleur score, donc là, elle t'a quand même mis la barre haute, Jérém, hein. Ok, bah là, je suis chaud, là. Ah bah ouais, bon, sur le Twitter, là, je compte sur vous, dites-nous avec le hashtag et Mickaël, à votre avis, est-ce que c'est plutôt Jérém ou Leslie qui va s'en sortir pour la première manche? Lequel des deux va l'emporter, cette première manche? Hashtag et Mickaël sur le Twitter, et puis vous mettez Jérém ou Leslie, et puis, bah, on va voir comment ça va se passer. Jérém, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, même chose, phrase logique, phrase normale pour choper le lecteur Blu-ray ce soir. Attention, c'est parti, on y va. Dès que t'entends plus de musique ou que t'entends plus les sonneries, c'est que c'est à toi, Jérémy, on y va. C'est parti. Allez, bonne chance, Jérém. 10, c'est le score à battre ou à égaler en tout cas. Allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir, je vous appelle, je voudrais savoir, en fait, là j'ai un sondage à vous faire, je dois savoir en fait ce que vous pensez du mot je t'emmerde. Ah, il démarre mal. Allô? Vous êtes là? Eh ben voilà, pas mal. C'est nul. Un seul. Bravo, Jérémy. Comment te dire que pour parler chiffres, tu as fait 10 fois moins que Leslie? Ah bah oui. Mais t'as été à chier. Ah ouais, t'as pas été bon là, hein, t'as pas été bon. C'est le plus nul de depuis le début de la saison là pour l'instant. Non, il y en a qui ont fait zéro. Ah ouais? Ah, il y en a qui ont fait, ils ont juste appelé, raccroché au nez directement, donc zéro. Bon, alors Jérémy et Leslie, ce n'est pas gagné. On a bien vu que Leslie avait l'air plus douée, mais Jérémy a le temps de la pub pour essayer de trouver un nouveau stratège. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse, on se mette la pub. Derrière, on mettra mon son, la Bose avec Bose, là, dont je vous parlais. Ouais, c'est un peu Bose. Hein. Ouais, non, tu vas voir, c'est plutôt Bose. Bon, Leslie, Jérémy, vous restez tous les deux là? Évidemment. Et je rappelle que le deuxième appel, eh bien, on prendra le meilleur score des deux appels pour savoir lequel a gagné. Jérémy et Leslie, bougez pas, le lecteur Blu-ray sera peut-être pour l'un de vous deux dans un instant. Et puis à vous de nous dire, hein, sur le Twitter, là, vous mettez le hashtag et Mickaël, lequel à votre avis va gagner. Leslie, Jérémy, faites vos votes maintenant. On attend ça, faites vos pronostics plutôt. Et le son de bas où je vous l'avais promis tout à l'heure, c'est un son que j'ai découvert là cet après-midi. Le clip est mortel. Je vais vous le mettre aussi dans quelques instants sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MickaëlOfficiel. Baus avec Baus, ce sera dans un instant sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Oui, mais que se passe-t-il alors, dis donc? Ah, ben il n'y a plus rien qui marche, c'est parfait. On est bon, bien. On est pas mal, on est pas mal. Attends, je vais réessayer de lancer la pub pour voir. Non, non. Non, non, ça ne marche pas non plus. Alors attendez, là, avant, dans 20 secondes, ça devrait démarrer. Oui, tout s'est éteint et tout s'est rallumé. Donc je vous explique. C'est très bizarre. Je me suis dit, que se passe-t-il? Est-ce une soirée paranormale? On ne sait pas, nous verrons. Bon, non, en tout cas, on est bien, 23h40. Alors, normalement, dans 10 secondes, je devrais pouvoir l'envoyer, là, la pub, en tout cas, ce qu'il en reste. Et puis, on sera de retour juste après avec Baus, là. J'espère que tout va pas s'éteindre comme là tout de suite. Alors, attention, on va réessayer, là. Attention, c'est parti. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Mickaël, no limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, évidemment, avec tous vos messages qui arrivent là. C'est parti, plus de pubs maintenant jusqu'à la fin de l'émission. Et puis bah ça va, ça s'est bien passé finalement, hein. Tout s'est bien passé comme il fallait. Il y avait un petit problème là, mais l'ordinateur tient la route a priori maintenant, c'est la bonne nouvelle. Bon, alors on va récupérer aussi Priscilla, toujours là Priscilla? Oui. Parfait, Priscilla. Alors, est-ce que tu peux répéter la colle, s'il te plaît, pour peut-être repartir avec la PlayStation 3 et le jeu GTA 5 qu'on a été les premiers à vous offrir la semaine dernière. On t'écoute, Priscilla. Je suis de petite taille, pourtant grâce à moi, vos souvenirs restent intacts. Je suis de petite taille, pourtant grâce à moi, vos souvenirs restent intacts. Qui suis-je? Passepartout. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Vous, c'est pas Passepartout, non? Non, visiblement, non. Ce n'est pas ça. Bon, si les vous avez schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Non. Non plus. Bon, ben, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez M-I-K-L par SMS au 64-900 et puis vous laissez la réponse derrière. Donc M-I-K-L espace la réponse au 64-900. Je suis de petite taille, pourtant grâce à moi, vos souvenirs restent intacts. Qui suis-je? Je vous souhaite bonne chance. On donne la réponse avant minuit 30 sur Fun Radio. Je vous avais parlé également d'un nouveau son là que j'ai découvert. Je vais vous mettre le clip sur le Facebook parce qu'il est plutôt bien foutu. C'est le son de Both maintenant avec Both B. O-T-H. Alors écoutez ça, dites-moi ce que vous en pensez, vous aimez, vous n'aimez pas, vous me dites ça maintenant sur Fun Radio. J'attends vos messages tout de suite au 64-900 sur Fun. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limits. Ah, je vous avais dit que c'était une tuerie, le son de Baouf à l'instant sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Ferme ta gueule, les colards. No Limits. Sur Fun Radio. Eh oui, bienvenue tout le monde. Eh, on va prendre la vie directement, là. Comme ça, vous allez dire, vous allez pas dire, ouais, ils ont demandé de dire que c'était bien. Julie est avec nous. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Alors, t'as entendu le son, t'aimais bien ou t'aimais pas? Sois franche, hein. Oui, j'aime bien. T'aimes bien, d'accord. Jérémy. Ah, bon. Moi j'aime bien aussi. J'aime bien. Tu peux dire non, hein. Dites non si vous aimez pas, hein. J'ai pas de problème avec ça. Ah bah, moi j'aime bien. Bon d'accord, Leslie. Bah ça va, j'aime bien un peu le son déstructuré, un peu l'IQ de wow. Si je me trompe pas. Ouais, mais oh putain, Leslie, ok d'accord. Ouais, c'est parce qu'en fait on a démarré avec une clé 12. Et tu vois, c'est-à-dire qu'on a mis directement le ouais, qu'on appelle ça la note 17. L'arbre à cramontête. Je donne mon avis, c'est tout. Je crois que c'est surtout le phare et mineur dans ouais, le film Sol La Fido. C'est la musique de Chicago, mais on comprend garage techno. Tu rentrais dans le détail, Leslie, c'est pour ça. Et Priscilla, est-ce que tu aimes bien ou pas? Oui, elle est bien. Parfait. Bon, on la mettra peut-être tout à l'heure encore une fois avant la fin de l'émission. Donc, si vous voulez la réentendre, la sonde Baus avec Baus, là, B-O-T-H, eh bien, n'hésitez pas. Hashtag et Mickaël sur le Twitter. On est déjà top tweet de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? demande rien et ça arrive tout seul. C'est quand même magnifique. Bon, ben merci à vous en tout cas. Voilà, hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Donnez vos avis. Dites-nous d'ailleurs comment ça se passe, Jérémy et Leslie. Toff, au niveau du Twitter, ça se passe comment là? Est-ce que les gens misent plutôt sur Leslie, plutôt sur Jérémy? Ça mise plutôt sur qui? Je pense que les gens misent plutôt sur Leslie. Ouais. Sur Leslie, bah oui, on vient de faire le premier appel, la première manche juste en merde. Et Leslie avait quand même gagné à 10. Elle a été bonne. 10 en merde dans une seule conversation, alors que Jérémy n'a pu en placer qu'un seul. Oui, c'était très, très mauvais. C'était pas facile. Pas très mauvais, c'était très, très, très mauvais. Mauvais. Bon, alors, du coup, Leslie, on rappelle maintenant de nouveau. Hein, on appelle donc deuxième appel. Si tu fais moins que 10, c'est pas grave. On prendra en considération le meilleur score des deux, c'est-à-dire 10. Et bon, bah, Jérémy, toi, de toute façon, hein, tu peux difficilement faire pire. Hein. Ah bah, ça c'est sûr. Voilà. Bon, on y va. C'est encore pire d'avoir juste un je t'emmerde que zéro. Je préfère avoir zéro, moi. À la limite, ouais. Faut voir. Bon, Leslie, on y va, c'est parti. Si tu fais plus que 10, bah là, tu enterres un peu plus Jérémy, bien que rien n'ait jamais perdu. On y va, c'est parti. Leslie, dès qu'il n'y a plus de musique ou dès que ça sonne plus, c'est qu'elle vient décrocher, donc faut y aller. Allez, c'est parti. Oui, désolé à ceux qui n'ont pas entendu ce que je viens de dire. J'avais oublié de pousser sur un bouton. Ah, ça arrive, ça va. Bon, c'est pas grave. C'est le répondeur, on a appelé un autre Leslie. Ouais, comme ça au moins vous avez rien raté. Hein. Bon, on y va. Allez. Oh putain, on va voir la poisse là, tu vas voir. Ouais. Mais non. Mais si. Positive. Le prochain c'est bon. Ouais, mais enfin bon, on est déjà à deux ratés là. Bon, j'en appelle encore un autre là. On enchaîne Leslie. C'est pour mettre du suspense. Ouais, quel suspense. Allez, Sandro, allô, tu décroche. Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, je suis désolée. Bon, salut quand même, on peut se tutoyer, je t'emmerde. Je suis désolée de te rappeler à cette heure-ci, c'est vrai qu'il est tard, je t'emmerde, mais je rappelle par rapport à ton message que tu m'as laissé, je t'emmerde, qui avait l'air plutôt important. Alors là, vous faites erreur et en plus vous êtes en train de réveiller ma fille, donc vous seriez gentil de ne plus rappeler. Merci, au revoir. Ah, mais je t'emmerde, c'est pas grave, je t'emmerde. Hop. 4 seulement, Leslie, c'est pas terrible, hein. Ouais, c'est pas terrible, on va rester sur les 10. Jérémy, tout est possible. Jérémy, il est parti, Jérémy. Non, je suis là. Ah voilà, oui, très bien. Bon, Jérémy, elle a fait 10, elle a fait 4 ensuite. Donc là, on garde le 10, évidemment, en considération. Tu as fait 1 et là, bah, toi, de faire plus que 10. Tu fais plus que 10, tu gagnes, Jérémy, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Chaud. Dès qu'il n'y a plus de musique, c'est à toi. Allez. Il va faire 1,5. Et 2. Bon, oui, mais j'y crois, moi. Moi, tu vois. On va arrondir. Au moins 2, je pense. Bon, on n'a pas de bol, attends une seconde, on en a pas encore un autre. Bon, si vous avez des numéros, donnez-les, hein, des gens qui sont encore debout à ce temps-ci, là, quand je compte sur vous. Je crois qu'on a un problème, là. Allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, en fait, j'appelle, bah, je t'emmerde, pour l'annonce que vous avez déposée, je t'emmerde. Pour savoir, en fait, je t'emmerde, combien bah, ça coûtera, en fait. Je t'emmerde. Allô? Mais excusez-moi, en fait, j'ai un petit problème, je bug, je t'emmerde. Je répète toujours la même chose, je t'emmerde. Donc, je dois savoir la réponse, en fait. Est-ce que je devais envoyer un email, je t'emmerde. Donc, ça serait bien quand même que vous me répondez, je t'emmerde. Ah, mais attends, je pense qu'il a raccroché depuis un petit bout de temps. Mais je vais te redonner un appel parce qu'en fait, j'avais merdé dans une touche, là, dans le standard. Et du coup, je crois qu'il a entendu quand on parlait la musique. Donc, je crois que, voilà, ça t'a porté la poisse. Bon, Leslie, je lui laisse encore un appel. Hein. On compte pas celui-là. Parce que comme il répondait pas du tout, c'est ma faute en plus. Allez, on y retourne. Vas-y, Jérémy, on y croit. Hein. Oui, allô? Oui, bonsoir, je vous appelle. Je t'emmerde, en fait, pour une annonce que vous avez déposée sur Internet, je t'emmerde. Pour savoir, en fait, vous avez laissé un email, je t'emmerde. Donc, je dois savoir si vous avez répondu mon email, je t'emmerde. Excusez-moi, oui. En fait, j'ai un problème au niveau de mon langage, en fait, je t'emmerde. Donc, excusez-moi de mon langage, en fait. J'ai un gros problème, je t'emmerde. Ah non, vous êtes une belle salope, c'est tout ce que vous êtes. Oui, mais je suis pas une salope, mais je t'emmerde, mais c'est pas de ma faute. Excusez-moi, monsieur, mais je t'emmerde. J'ai un problème, vous pouvez comprendre, je t'emmerde. Et bah, écoute, voilà, une belle salope, et tu peux enculer ta mère, ça sera très bien comme ça. Oui, tu peux emmerder ta mère aussi, donc je t'emmerde. Et peut quand même me répondre, excusez-moi, j'ai un problème, j'ai un symptôme. Je t'encule, je t'emmerde. Je t'encule, je t'emmerde. Ouais, je t'emmerde. Je t'emmerde, donc voilà, je t'emmerde. Ouais, pas mal. Oh, il était bon lui. Ah, il était pas mal, il était pas mal du tout. Alors, je sais pas du tout où on en est en termes de score là, mais. Salope. Hein, tu es une belle petite salope, Jérémy. Ah, bah ça. Hein, c'est pas qu'on est tombé. Ah oui, t'es une belle petite salope, Jérémy. Alors, attention, le roulement de tambour pour savoir qui va être le gagnant ou la gagnante. Alors, attendez, vous emballez pas. Roulement de tambour, d'abord. Eh ben quoi, t'as pas un tambour ? Ouais, alors attends. C'est pas moi, hein. Roulement de tambour. Allez, il est un peu long. Mais... Le tambour de Nikos. Ça va aller. La machine est enrayée. Non, pas du tout. Tambour. C'est parce que j'aime bien jouer du tambour. Elle a un gros problème quand même. Alors, mesdames et messieurs, and the winner is... Ah oui, Jérémy. Oh, Jérémy. Et c'était pas gagné d'avance. Alors, combien 11. Non. Oui. Oh putain, 11, Jérémy. Ça fait plaisir. Oh, t'as eu de la chance, Jérémy, t'es tombé sur un bon client. Leslie, par contre, t'as bien joué, toi. Il faut le dire les choses, hein, c'est vrai, quand même, malgré tout. Coup pied sur elle, quand même. Hein. Respect, sincèrement, je suis fair play. Non, mais oui, oui. Non, il n'y a pas eu de copie parce qu'elle a dit Julien La Tourette. Tu l'as simplement excusé pour son langage. Et puis en même temps, Jérémy est une belle petite salope. C'est une salope. Ah, bah, ça fait sûr. Très bien. Bon, bah, désolé, Leslie. Hein. Tu retentes ta chance quand tu veux. En tout cas, t'as bien joué. Oui, bravo. Y a pas de souci. Hein. Voilà, bravo à toi, en tout cas. Je peux faire une petite dédicace vite fait ? Allez, vas-y. Alors, je fais un gros bisou à mon gros José qui est conducteur poids lourd, qui vous écoute tous les soirs. Et qui, grâce à lui, je suis passé l'antenne ce soir. Pourquoi grâce à lui ? Bah parce que c'est lui qui écoute et qui m'a poussé à vous appeler pour dire comme ça. Il a bien fait. Ouais. Et comment il s'appelle ? Bah, il s'appelle Maxime, mais c'est Maxime. José pour les intimes. Ah bah très bien, bah Maxime alias José, j'ai un message du Carolo pour toi. Enculé de ta mère. T'es. Voilà. Bon, comme ça c'est fait, il sera content, je pense. Bon bah voilà, le message est passé en tout cas. Bah, salut Leslie, bah, gros beaucoup. Bisous. Salut. Bisous, ciao. Je peux passer une dédicace, s'il vous plaît. Attends, laisse-moi vérifier. Ta gueule, connard. Bah, il a pas l'air d'accord, le Carolo. Bon, non, allez, vas-y, Jérém. Ok, bah, je vais passer une petite dédicace à Héloïse, qui vous connaîtra. Ma chérie qui m'écoute dans sa voiture. À Broncalo, à Roukmout, à tous les gens qui m'ont reconnu. Très bien, et ben voilà, le message est passé, Jérém. T'as de la chance que Sandro est en train de me concentrer parce que normalement c'est une seule dédicace. Ouais. Mais comme il est en train de me faire des signes pour faire atterrir un 747, du coup j'étais perturbé. Bon, le message est passé, Jérém. Bah, on va avoir une petite dédicace de tout le monde de l'équipe. Ouais, on va te filer ça, y a pas de problème. J'ai galéré à vous avoir, ça fait vraiment plaisir. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, après ça, il y a du monde, tuyau est petit, il faut que ça rentre, enfin bon, bref, une histoire. Surtout que Sandro n'a que deux mains et voilà. Une seule oreille disponible. Exactement. Bon, Jérém, en tout cas, merci à toi, tu restes au standard, on prend tes coordonnées pour t'envoyer ton lecteur Blu-ray, ok ? Ok, ça marche, bah bisous. Salut. Salope alors. Ah bah, salut, bon, la salope. Salut. Ciao, Jérém, bye bye. Bon, Priscilla, dans un instant, va nous répéter la colle. Avant ça, on accueille Julie avec nous là. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Bon, il y en a plein sur Twitter qui veulent le réécouter. Là, tu connais le Carolo, toi ? Ouais, pas un petit peu. Un petit peu, le Carolo, c'est lui. Ta gueule, connard. Ta gueule, fils de pute. Tu es ta mère. J'avais dit encore à la radio le. T'as nouveau, t'as quelque chose. Attends, espèce d'enculé. Attends, parce que Julie, du coup, t'as reparlé dessus. Je suis obligé de le remettre. Ta gueule, connard. Ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. Ta mère qui a un gros clitoriste. T'as nouveau, t'as quelque chose sur ton front, connard. Espèce d'enculé. Qu'est-ce qu'on était bien là-bas. Tu disais, Julie, parce que du coup, t'as pas entendu. Bah, j'avais dit que j'étais dans ma voiture et j'allais au boulot au moment où j'avais entendu la conversation. Et quelle conversation. C'est même pas une conversation, parce qu'une conversation, normalement, ça va dans les deux sens, t'as dialogue. Alors que là, c'était quand même à sens unique, le truc. Mais dans bon. La gueule de teuf. Voilà, exactement. Bon, dis-moi, Julie, on parle de quoi avec toi dans un instant, là, 21 ans du Morbihan. Oui, c'est parce que en fait, je vais fêter mes 3 ans de vie commune avec mon copain. Quelle catastrophe ! Oh là là, mais 3 ans, faut changer. Qu'est-ce que tu fais encore là ? Oh là là. Non, faut pas dire ça maintenant. Enfin bon. Et bah j'aurais voulu avoir des conseils parce que bon, 3 ans, c'est quand même quelque chose qui est important. Actuellement, c'est important 3 ans, donc j'aurais voulu avoir des conseils, savoir déjà pour des idées de cadeaux, parce que bon, au bout de 3 ans, on sait plus trop quoi offrir. Donc. Ouais, évidemment. Mais d'abord, moi, je veux voir s'il est bien. Combien mesures-tu ? S'il est bien quoi ? Bah, s'il est bien. Son mec est bien. Combien mesures-tu ? Moi, je mesure 1m60. Combien pèses-tu ? Je pèse 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine ? Oh, c'est du 85B. B comme bien. Oui, bien. D'accord. Ça va. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? C'est du 36. Qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est bonne. Voilà, tu as passé la vérification ou la main. Ouais, je pense que ton mec est très heureux de rester avec toi. Voilà. Le contrôle technique est passé. D'ailleurs, attends une seconde, il va venir te faire un petit tour en scooter, Tof. Voilà, hop, le tour en scooter est fait, t'as mis ton casque et tout, c'est parfait. Bon, en gros, tu veux savoir ce que tu peux faire comme petite surprise pour ton mec, quoi, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Alors, on avait bien des idées de striptease, etc. Bon, on va essayer de trouver quelque chose de plus original, hein. Oui. On va essayer. Bon, alors bouge pas de là, Julie, on va revenir avec toi. Il y a plein de messages qui arrivent aussi. Il y a Laure qui dit je veux bien faire un tour en mobylette, moi. Ah bah attends, parce qu'on doit remettre le plein là, Laure, on vient de la sortir. Steven qui dit vous êtes une belle salope, il m'a tué les gars. Bah oui, il était mort de rire. Stéphanie qui dit aussi le mec se fait presque plus insulter que Toff, mort de rire. Il y a Megumi qui dit rends la belle salope. Nanou aussi, Leslie, on a voté pour toi. Partage le butin. Bah non, parce que là, elle a rien à partager, la pauvre, elle a perdu. Je vous kiffe l'équipe, là, je fais un bisou à Joana. Liliane, mes potes qui t'écoutent en ma compagnie. Bon, on les embrasse, Laïs. Merci à toi en tout cas. Chris qui dit aussi les 6, c'est la gagnante. Eh ben non, c'est la perdante. Le prince Nadia qui dit ah oui, bof avec boss, je l'aime beaucoup. J'imagine avec ce son au bord d'une plage avec un bon cocktail, que du bonheur. Oui, effectivement, ça peut être pas mal comme plan. Et de Swagest Pelican qui dit aussi énorme la musique de boss avec boss. La musique elle déchire, c'est Kevin qui avait envoyé le message. Je viens de la mettre dans mon téléphone. Et puis Damien qui dit Tof, prends Jérémy en mobilette et jette-le sur la route. Ah oui, Jérémy qu'on avait eu en début d'émission de Tellement Vrai. Effectivement. Bon, allez, tous vos messages qui arrivent encore là, n'hésitez pas à vous les balancer en masse. Ça se passe tous les soirs, hein, en direct. Hashtag Mikael sur le Twitter de l'émission ou également sur le Facebook, hein, facebook.com/MIKL officiel. Bon, on va parler des Simpsons aussi là, qui viennent d'être élus le meilleur cartoon de tous les temps. Alors, venez nous dire aussi si vous avez un dessin animé, genre un dessin animé que vous préférez. Quel est le dessin animé que vous préférez? Voilà, c'est quoi le tien, Tof? Moi, il y a Moi Moche et Méchant que j'aime bien. Ah ouais, Moi Moche et Méchant, et... bien évidemment. Ouais, sinon, quand j'étais gamin, le classique. J'adorais Ken le survivant. Oh, Ken le survivant, ouais. Tout original. Ouais, parce que c'est pas super connu. Il y avait Cat Size aussi que j'adorais, parce que les meufs étaient super bonnes. Sans déconner. Polo, toi, c'est quoi le dessin animé? Moi, je suis fan. J'aime bien les Simpsons, certains morceaux de South Park, entre. Et puis Akira. Akira, ouais, d'accord. Sandro. Bah c'est tout ce qu'il y avait au club Dorothée, quoi. Oh là là là là. C'est Sarah, c'est Sailor Moon. Oh là là là là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est et dur. Et toi, hein. C'était quoi? Ah moi j'aimais bien ça, moi. Écoutez ça. C'est quoi ce truc? Dans les bois, Robin et Jean vont le cœur en fête. Ils évoquent en riant les souvenirs d'antan. Ah oui, elle a trouvé ça. Ils s'égayent grand tout, qu'ils tirent en cachette. Au-delà, li, au-delà, nous vive ce beau jour. Ah ouais, j'adorais quand j'étais petit. C'est vrai? Robin des bois. Parce que ouais, j'ai toujours été comme ça, tu vois, je volais aux riches pour donner aux pauvres. Dans la clairière, c'est vrai. C'est vrai? T'es beau, Mike. Et j'ai même la version sans, avec le sifflet. Ah ouais, ça ouais, je connais. Bon, je sais pas siffler. Bienvenue dans le sur Lens Floor. Voilà, donc c'est quoi vos dessins animés préférés? C'est quoi toi, Julie, ton dessin animé préféré? Oh, moi j'en ai pas forcément de préféré, mais tous les pas mal de Walt Disney sont sympas à regarder plusieurs fois, donc. D'accord, ok, donc on rigole parce que c'est la musique. Alors, attention, pire. Ah, c'est Polo qui chante ça. Voilà, bon bref, tout ça pour vous dire que c'était Robin des Bois à l'époque. Donc si vous avez des dessins animés préférés, venez nous en parler. On est ensemble et on est avec vous là jusqu'à 2h du mat ce soir sur Fun Radio. Vous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Lilou aussi qui dit rien ne vaut le roi Lion. Les DB Freaks qui dit les Simpsons, meilleur cartoon de tous les temps, c'est normal. Il y a Chris qui dit moi c'est les Simpsons aussi. Julien qui dit le roi Lion, le meilleur des dessins animés. Il y a Tony qui dit South Park. Et alors Clem qui dit on pourra avoir le va te faire faute enculé au clochard. Ouais, alors attends une seconde, enculé au clochard. Où est-ce qu'il est celui-là? Il est là. Ah non, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est celui-là? Je l'ai d'habitude, je le trouve directement et je ne le trouve plus. Bon, c'est pas grave. En attendant, je te mets celui-là, c'est gratuit, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Espèce d'enculé, va. Voilà. Bon, retour avec Julie dans quelques instants. Priscilla pour la colle et puis on va faire également les teubés dans quelques instants, mais teubés un peu particuliers. On en parle juste après le son de Crewella maintenant sur Fun Radio. C'est Live for the Night sur Fun. Bienvenue à tous, minuit 4 au cœur de. On a plus de 2h sans pub, soyez les bienvenus. Arrête de me faire chier. Mickaël. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exact, en direct sur Fun Radio, on est là 23h, 2h du lundi au jeudi et également le dimanche soir hein, à partir de 20h, 20h minuit sur Fun Radio avec tous vos messages qui arrivent sur le Twitter et sur le Facebook, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. facebook.com/mickaël officiel pour nous rejoindre, vous tapez mickaël officiel donc pour venir nous rejoindre, vous faites un petit like, pareil également je vous ai mis la vidéo d'une meuf qui vous montrait, genre elle faisait la maline, c'est genre mais comment faire pour faire des belles boucles sur les cheveux, alors regardez, et puis bah vous allez voir ce qui s'est passé, ça a été une catastrophe, tout est été filmé, c'est sur le Facebook, allez voir facebook.com/mickaël officiel. Dis-moi Julie, tu es encore là? Oui, toujours. Parfait. Puisque tu es justement là, je voulais te poser une petite question là. T'es épilée comment Julie? Épilée comment? Ouais. Bien, normal. Non mais genre ticket de métro, genre tout est enlevé, c'est quoi, triangle, c'est quoi? Ou alors forêt vierge, plumeau. Ouais, ou alors, ou alors tu laisses tout. Non, j'enlève tout, c'est bon. T'enlèves tout. Non, parce qu'en fait, il y a une étude qui vient de sortir. Et donc, toi, va bien sûr se faire un plaisir de téléphoner dans quelques instants avec les numéros que vous allez nous envoyer. Qui est une étude qui vient de sortir, donc, qui donne les préférences des hommes. Alors, 43% des hommes préféreraient apparemment les maillots féminins au naturel, donc en triangle des Bermudes. Hein. Ah, non! Bah, oui. Voilà. Et puis après, 17% aiment le ticket de métro, 15% une forme de cœur, voilà. Et seulement 12% ont déclaré préférer plus de poils du tout. Ouais mais en fait ça dépend de la configuration de la chatte en fait. C'est-à-dire merci merci professeur. Merci professeur. Mais non mais ça dépend si l'endroit est beau, autant le laisser un peu propre sans poils. Mais si c'est... Merde monsieur Gouret. Mais si c'est dégueulasse. Espèce d'enculé va. Et si c'est pas beau, autant le couvrir. Moi je préfère sans rien, donc je fais partie des 12%. Polo aussi, Toff aussi, c'est marrant ça. Limite ticket de métro, mais c'est vraiment le maxi quoi. Bah ouais, et Xavier l'auditeur qui est passé nous voir là, c'est quoi? Ah pareil, sans poil. Sans poil aussi? Ah bon. Okay. Et ton mec il préfère aussi, j'imagine, Julie, sans poil? Oui. Bon, bah d'ici, vous avez des numéros de téléphone, Toff va vérifier ce petit sondage ce soir. Vous avez des numéros de téléphone de personnes qui sont encore debout à cette heure-ci, qui vont décrocher, qui s'énervent éventuellement, peut-être un peu rapidement, à voir, mais peut-être éviter notre ami Corse. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh bien viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture. Et je te fais courir jusqu'à Pouillac. Tu vas avoir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà, il était un petit peu énervé, comme t'as pu le remarquer, Julie. Hein. Pourtant, on l'avait appelé qu'une fois ou deux. Hein. Ouais, si peu. Franchement, non, on a fait bien pire, hein, pourtant. C'est le deuxième appel. Hein. Ouais, deuxième appel, il s'est énervé comme ça, j'ai pas compris. Pour tester, quoi. Bah ouais. Bon, venez nous dire aussi ce que vous préférez, là. Donc, Toff, t'es prêt pour le sondage? Je suis toujours prêt, moi. Parfait. Bon, on va d'abord se faire, évidemment, les teubés. Alors, normalement, donc, on devrait faire les teubés de la télé, évidemment. Hein. Mais on va changer un petit peu, on va faire les teubés du net. Alors, je suis tombé sur une espèce de cagole marseillaise. Julie, reste avec nous, tu vas peut-être me dire, tu as peut-être entendu parler, hein, qui a un petit problème avec, tu me diras comme beaucoup, hein, mais qui a un petit problème avec la langue française. Alors attention, écoutez bien, la langue française, c'est ça. J'ai un rendez-vous. En fait, si tu analyses la stratégie de la phrase, ça veut rien dire du tout. Voilà, si t'annonces, si. Oh, voilà, l'analyse. Voilà, l'analyse. J'ai un rendez-vous. En fait, si tu analyses la stratégie de la phrase, ça veut rien dire du tout. Voilà, ça ne veut rien dire du tout. Parce que la phrase, elle a une stratégie, tu vois. Bien sûr, mais elle a une explication, enfin. Bon, voilà l'explication évidemment qui est quand même relativement particulière. Mais en disant j'ai un rendez-vous, je me vouvoie moi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, en disant j'ai un rendez-vous, je me vouvoie moi-même. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, du coup, pour bien nous faire comprendre quel est un exemple. J'ai rendez-vous chez le coiffeur. Ouais. Non, c'est moi que je me rends chez le coiffeur. Ça veut dire, en vrai, si on était dans la langue française correcte, on dirait j'ai un rendez-moi chez le coiffeur. Parce que c'est moi qui dois me rendre chez le coiffeur et je vais pas m'amuser à me vouvoyer toute ma vie. J'ai un rendez-vous, non. J'ai un rends-moi chez le coiffeur. Bon, et pour bien nous montrer qu'elle a raison, évidemment, elle a un argument imparable. Hein, écoutez. Ça, c'est mon petit point de vue, donc ça sert à rien de dire oui, mais elle est conne, elle en a ni, elle en a. J'ai fait un test du QI. Oui, du QI, mais malheureusement, elle n'a pas de résultat. Et ça, c'est quand même bien dommage. Mais il faut quand même que je vous remette, parce que Julie, je suis sûr que t'as mal entendu. Donc, l'explication du « j'ai rendez-vous », il faut faire « j'ai rendez-moi ». J'ai rendez-vous chez le coiffeur. Non, c'est moi que... Moi, c'est moi que je me range chez le coiffeur. Ça veut dire, en vrai, c'est dans la langue française correcte, ben on dirait j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Parce que c'est moi qui dois me ranger chez le coiffeur et je ne vais pas m'amuser à me vous voyez toute ma vie. J'ai un rendez-vous. Non. Mais c'est bien sûr. Évidemment, qu'est-ce qu'on est cons quand même. Hein. On n'y avait jamais pensé. Est-ce que tu crois qu'on n'y avait jamais pensé? Et tous ces gens qui ont participé à créer la langue française, ils s'en sont pas rendus compte. Tous ces connards là qui. Mais oui, tous ces gens idiots. Voilà, poubelle, tout ça. Heureusement, à la poubelle, évidemment. Ah, c'est vrai. Bon, il y a Stéphanie qui dit ça dépend de la configuration de la chatte, mort de rire. Oui, ça c'était Polo. Le prince Lia qui dit aussi, Mickaël, avant moi j'étais fan du ticket de métro, mais depuis quelques années, il y a plus rien. Je préfère, je me sens mieux. Bah oui, c'est mieux. Et Lynn aussi ça qui fait dit plus aéré. Bah oui, la question qui tuait d'un coup, tuait épilé comment là, mort de rire, j'ai claqué une barre. Mais non, mais c'était pas méchant, hein. Tu l'as pas mal pris, Julie. Ah non, absolument pas. Voilà, c'était juste pour se renseigner, quoi. Pour un petit renseignement. Ouais, bon. Ça t'a pas fait dresser les poils? Non. Bon alors, Julie, donc toi, tu fêtes tes 3 ans avec ton copain et tu voulais des idées de cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? J'ai un rendez-vous. Il travaille dans un garage. Attends, on entend mal parce que ça a coupé. Il travaille dans quoi? Il travaille dans un garage. Dans un garage, d'accord. Quoi, il est mécano ou il est vendeur ou... Il est carrossier. Carrossier, d'accord, ok. C'est un rigolo. Oui, ça dépend. Faut Mike, il est meilleur, il a une bagnole de ouf dans le studio, tu te rends même pas compte. Bien sûr, moi j'ai une grande voiture dans le studio. Ouais, d'ailleurs, en tant que connaisseuse, est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Attends. Arbre à cam en tête. Ah là, bah, c'est un rigolo, ton mec, c'est un petit carrossier. Oh là, tous les véhicules. Et là, on est dans le studio. Ah, on n'y est plus. Là, c'est Toff qui a pris les commandes, donc ça a été une catastrophe. C'est pas grave. Bon, tu disais qu'il était mécano, donc carrossier, pardon. Bon, qu'est-ce que tu lui as offert dernièrement comme cadeau? Qu'est-ce qu'il aime bien comme truc? En fait, est-ce que tu veux lui offrir un cadeau objet ou tu veux lui faire une surprise, genre j'en sais rien moi, une surprise, genre un striptease? Pas spécialement ça, mais tu vois, genre un cadeau que tu te donnes, un cadeau que tu fais toi-même avec ton propre corps. Déjà, je vais préparer une soirée pour fêter ça, mais après, je sais que nous, on aime bien offrir un cadeau parce que ça reste dans le temps, les cadeaux, donc après... T'as qu'à lui offrir des places de foot. Le cadeau de merde. Mais sinon, quand tu disais, tu veux lui offrir un truc et tout, j'ai vu, il y a une espèce d'ensemble de lingerie et en fait, ça fait un espèce d'énorme nœud au niveau du soutien-gorge. Donc en fait, t'as l'impression que ça fait un paquet cadeau, quoi. Ah ouais, c'est pas mal ça. Bah, ça dépend après ce qui est emballé, hein. C'est ça. Et vu Julie, moi, je veux bien qu'elle soit emballée comme ça. Ouais. Vous vous souvenez qu'on a une copine en commun qui a son mec lui a offert un t-shirt de foot? Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a une meuf comme ça. En fait, alors pour pas dire son nom, parce qu'il faut quand même. Non, mais il faut quand même taire. La pauvre. C'est une des filles de l'émission. Ouais. Qui son mec à l'époque lui avait offert un maillot de foot du PSG. C'est enculé. C'est ça, mais pas le PSG que vous connaissez aujourd'hui, qui gagne avec des grosses stars. Non, c'était le PSG de la merde à l'époque, il y a quelques années, quand ils avaient un maillot brun caca. Et du coup, elle avait reçu ça et voilà. Elle était heureuse, elle était. Ah, elle était ravie, elle était ravie. Donc tu vois, finalement, Julie, faut parfois pas chercher très très loin. Hein. Non, mais après, de toute façon, le problème c'est que. Des fois, quand on veut offrir un cadeau, on pense plus que ça va nous faire plaisir à nous qu'à la personne à qui on l'offre. Mais moi, comme je connais pas mal les goûts et je sais très bien à chaque fois ce qu'il veut ou ce qui pourrait lui faire plaisir, je sais que ça va lui plaire. Je suis d'accord, mais ça va alors, c'est le principal. Attends, il y a Priscilla aussi qui a peut-être son avis à donner. Salut Priscilla, salut Priscilla plutôt. Oui. Bon, alors est-ce que toi, éventuellement, tu aurais un conseil à donner, toi, à Julie, hein, par rapport au cadeau Moi et mon copain, on est plus romantiques, donc moi, ce serait vraiment l'inviter au restaurant et puis le demander en fiançailles. Ah oui, alors carrément, non mais comment classe. Te dire que... Non, la classe de rien. C'est beau. Mais non, ça sert à rien. C'est beau. Mais non, ça sert à rien. Mais donc c'est toi qui vas le demander en fiançailles? Oui. C'est original. Bah, il faut changer un peu. Et parce que peut-être, si t'as pas encore demandé, c'est peut-être parce qu'il a pas envie. On y pense, mais bon, on attend quand même un peu. D'accord, ok, bon, pourquoi pas. Bon, j'aimerais voir l'avis des... Ben, je le dis assez rarement, mais l'avis des mecs, justement. Qu'est-ce que vous avez déjà reçu comme cadeau de votre copain, de votre copine, en fait, peu importe. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tu restes avec nous, Julie? Oui, pas de soucis. Bon, ne bouge pas. Et Priscilla, puisque t'es là, allez, c'est parti. On va se refaire encore un coup la colle de ce soir pour repartir peut-être avec la PlayStation 3 et le jeu GTA 5. Vous gagnez le coffret complet. Alors attention, on t'écoute. Je suis de petite taille, pourtant, grâce à moi, vos souvenirs restent intacts. Qui suis-je ? Je suis de petite taille, pourtant, grâce à moi, vos souvenirs restent intacts. On proposait le cerveau ? Non. Non, la mémoire ? Non. Les neurones ? Non. La carte SD ? Non. Les yeux ? Non. Un asticot ? Non. Une puce ? Non plus. Le souvenir ? Non plus. Une carte SIM ? Non plus. Un hippopotame, parce qu'apparemment la partie du cerveau qui permet de stocker les souvenirs. Non. Non, une cervelle. Non plus. Une clé USB. Non. Un doigt. Non. Oh, t'es chiant, toi. Un post-it. Non. Le petit prince. Non plus. C'est la chatte à ta mère. Non, non. Non. Une disquette. Non plus. Un film Super 8. Qui se souvient de ça encore ? Non. Non, bon, bah alors aucune bonne réponse. La matière grise pour Aurélien. Non. Non, et Aurélie qui demande c'est quoi la réponse ? Bien vu, mais on ne sait pas encore. Bon, si vous avez la bonne réponse, l'hippocampe ? Non plus. Bon, d'accord, ok, très bien. Si vous avez donc la bonne réponse, à vous de jouer. Hein, maintenant, il faut répondre à la colle de Priscilla. Je suis de petite taille, pourtant grâce à moi, vos souvenirs restent intacts. Qui suis-je ? Si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez M-I-K-L par SMS maintenant au 63 20... je dis n'importe quoi. Au 64 900 et au 63 22 pour la Belgique. Voilà, M-I-K-L est la réponse au 64 900 et au 63 22 pour la Belgique. Je vous souhaite bonne chance et puis profitez-en. Hein, minuit 20, comment vous expliquer qu'il y a quand même beaucoup d'auditeurs qui sont déjà partis dormir là. Donc si vous voulez gagner votre PlayStation 3 et le jeu GTA 5 qu'on vous avait offert la semaine dernière en exclu, on a été les premiers sur le coup, eh bien il faut jouer maintenant. Priscilla, je te souhaite bonne chance. Dans 10 minutes on donne la réponse. D'accord. Allez, à tout de suite Priscilla. Bon, allez-y, bonne chance. Et si vous voulez voir de visu donc l'énigme, enfin pas l'énigme, la colle en l'occurrence, le texte, vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/mikl officiel. Bonne chance tout le monde. Il est minuit 19, dans un instant on va revenir. On a reçu du numéro de téléphone, Tof, tu vas pouvoir appeler. Cool. Tu vas pouvoir appeler pour vérifier ce que les gens préfèrent, ce que les mecs préfèrent au niveau de l'épilation du copain, de la copine. On fait ça dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis on va s'écouter un son que j'avais promis. Eh ouais, Britney Spears qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Au cœur de la nuit sans pub, c'est Work Beach. Plein de messages qui arrivent aussi. Twitter, Facebook. On attend tous vos messages maintenant. Vous tapez M.I.K.L. officiel. Minuit 20, c'est M.I.K.L. No Limit jusqu'à 2h. Bienvenue si vous arrivez. Espèce d'enculé, va. Espèce d'enculé, va. Hello. Arrête de me faire chier. Mikael. Mikael, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Autant dire que Miko peut rentrer chez lui, hein. Comment vous expliquer que je suis nouveau DJ résident dans Party Fun? Je sais pas si tu vas faire long feu. Un très long feu. Voilà, je suis nouveau DJ résident dans Party Fun. Je mixe en live, comme vous avez pu le remarquer. Rien n'était préparé. Je me suis pris une ou deux Yamel, c'est vrai. Bon, bah, ça arrive, hein. Mais voilà, plein de messages. Joséphine qui dit aussi, je kiffe la version fun. C'est pas vraiment la version fun. Let's Be Freaks qui dit, les remixes de Mikael sont trop délire. La Clem qui dit aussi, Work Beach, version enculée de ta mère. Ah, ok. Necrose aussi qui dit, en featuring avec DJ Carolo. Indissociable qui dit, oh, le petit enculé de ta mère, là, mort de rire, il passe crème. Et alors, Daniel qui dit mort de rire, bien mixé. Félicia qui dit je peux plus me passer de l'émission, c'est trop top. Merci Félicia, sois le bienvenu. Maxime qui dit bravo l'équipe, vous êtes des oufs. Et Pierre encore aussi qui dit cette version est magique. Et le prince Adia qui dit une version remixée spéciale Britney Spears par Mikael, j'adore. Ouais, et ça m'est venu comme ça, je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas. D'ailleurs il y a un auditeur qui voulait réécouter ça tout à l'heure là. Elle va te faire enculer au clochard. Voilà, au clochard, hein, c'était celui d'hier ça justement. Tiens, t'as aimé ou pas ma version remix Julie? Ouais, ça va. C'est sympa, non ? Ça change de l'habitude, quoi. Ouais, ça change. Original. Bon, ouais. Allez, on va se faire le premier appel de ce soir, là. Bah oui, vous avez donné les numéros. Bah oui. Ça fait longtemps que je me suis pas fait insulter, dis donc. Bah écoute, oui, c'est vrai que ça fait un bout de temps. Bah ça fait 24 heures, hein, dans l'idée. Hein. Ah oui, déjà. Enfin, un petit peu moins, parce qu'on a mis un extrait tout à l'heure. Donc le principe est simple, on est tombé sur une étude qui dit que apparemment 43% des hommes préfèrent les épilations naturelles, c'est-à-dire pas d'épilation. C'est horrible, c'est dégueulasse. Voilà, 17% aiment le ticket de métro, 15% une forme de cœur et seulement 12% déclarent aimer la boule à zéro. Ouais. Moi j'aime la carte bancaire. Gold. Voilà. mais et le cœur, il faut que la meuf elle soit motivée quand même. Ouais, franchement, ouais. Donc si, dites-nous aussi si vous préférez, qu'est-ce que vous préférez, hein, votre copine, vous préférez qu'elle soit épilée comment? Et pareil, si vous êtes une fille, vous préférez vous faire épiler comment justement? Bon, donc du coup, on va appeler des gens, vous nous avez donné le numéro de téléphone, on appelle maintenant. À ton avis, Julie, est-ce qu'il va se faire insulter ou pas? Bon, à cette heure-là, je pense que oui. Oui, bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle, premier essai ce soir-là. Merci pour les numéros que vous avez envoyés. Allez. Bah, tiens, faut que ça décroche. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir comment votre mari aimait votre épilation. Ah, surtout là, non. Vous êtes trompé de numéro, monsieur. Non, non, pas du tout, madame. C'est à vous que je pose la question. Eh ben, il aime comme il aime. Oui, mais ça me dit pas, il préfère comment? Ça ne vous regarde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle. Oh, encore accroché au nez, dis donc. Quelle violence. Bah, il ne s'est pas fait insulter, Julie. On rappelle. Non. On rappelle, parce que nous, on aime ça. On veut entendre de l'insulte. Allez, c'est reparti. Allez. Bon, alors. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, j'étais avec votre femme et elle a pas vraiment voulu me répondre. Alors, c'est plus simple si vous me répondez, vous aimez qu'elle soit épilée comment? Comment? Non, je demandais comment vous aimiez que votre femme soit épilée. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Si vous avez rien que ça à faire, je vous dénonce au flic, vous avez compris? Mais je vois pas le rapport, monsieur, moi je vous ai juste... Ouais, allez vous faire foutre. Non mais comment vous l'aimez épilée, votre femme? Eh ben voilà. Eh, ça y est. Deuxième appel, déjà une insulte. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Finalement, t'avais raison, Julie. Hein. Il y a quand même eu une insulte là derrière. Bon, ah ben, on en fera d'autres tout à l'heure. Hein, des appels là pour vérifier si les mecs préfèrent bah, quelle épilation, quel style d'épilation les mecs préfèrent. Avant de refaire encore un petit coup, la colle de ce soir, avant de prendre le gagnant surtout, Julie est de retour avec sa grande question. Donc, elle fête ses 3 ans avec son copain et elle veut des idées de cadeaux. Alors, Philippe, toi, t'appelais à la base pour l'épilation, mais est-ce que par hasard t'aurais pas une idée de cadeau pour Julie? Philippe? Oui. Ah, très bien. Ouh, t'es là, le Corse? Il est de Corse là. Oh pardon, excusez-moi. Attention. Tu es dans l'action, ouais. Oh pas pardon. Temps, hein. Fais attention, fais attention parce que sinon moi. Eh, tu sais que j'ai des amis corses maintenant là. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Regarde, il s'appelle comme ça lui. Espèce de petit pili de merde, va. Tu vois, moi j'ai des amis corses, attention. Ils sont... Ça, c'est un pili, tu vois. Ah, moi j'y étais, regarde. Espèce d'enculé, va. Voilà, il est au taquet. Espèce d'enculé. Ah, ouais. Elle va te faire enculer au clochard. Ouais, ouais, voilà. Non, c'est pas un clochard. Non, j'ai des amis corses, mais non, tout va bien. Donc, je disais, Philippe, est-ce que tu éventuellement as des conseils à donner à Julie? Alors, en gros, est-ce que alors déjà, est-ce que t'es avec quelqu'un depuis longtemps, Philippe, ou est-ce que t'es avec personne? Oh, moi, ça fait une vie que je suis avec quelqu'un. Oh, ça fait une vie. Hey. Oh, d'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais recevoir comme cadeau de ta copine? Sa chatte. Sa chatte. Le maquillé, elle le laisse comme le maquillé. Non, hein, j'ai passé la débroussailleuse. Oh, le maquillé. D'accord, c'est un conseil, t'as vu Julie, finalement. Faut peut-être offrir une nuit d'amour torride à ton homme. Sa chatte. Julie. Oui, oui, c'est à envisager, pourquoi pas. Ah, c'est une idée, c'est une idée. Vous avez des relations sexuelles tous les combien de temps, à peu près? Ah, à peu près toutes les heures. Non, mais pas toi, Philippe. Je parle de Julie et de son mec. Et ça fait boum bah, à chaque fois, non? Une relation normale. Une relation normale. Oui, mais ça varie. Combien? Une fois par jour. C'est pas normal, ça, c'est vachement bien. Bah oui. Non, non, Julie, c'est pas du tout normal. La moyenne, comment t'expliquer que la moyenne, c'est même passer une fois par semaine, je crois. Hein, quand ouais, je crois que c'est encore ça. C'est et encore, hein, c'est les lapins, ça. Hein. Quand t'es avec quelqu'un depuis 3 ans, je peux te dire... Oui. Non, non, c'est vrai. Hein. Eh bien, avec moi, le maquillage. Okay, comment, Philippe? Qu'elle vient avec moi dans le maquis, moi, c'est un bon bouquet. Dans le maquis. Qu'elle vient avec moi dans le maquis. Voilà, c'est ça. Oui, mais non, mais Philippe, elle a déjà un mec, hein. T'inquiète pas pour ça, Philippe. C'est pas grave, je suis pas jaloux ici, encore, ça n'est pas jaloux. Non, d'accord, ok. C'est bien la première fois que j'entends ça. Hein. Et, ouais. C'est ça, ouais, si on veut. C'est un petit pis de chez nous. Effectivement, effectivement. Toi, ta mère, ta grand-mère. Ah bon, hein. Bon, Philippe, attends une seconde. Il y a donc Coraline aussi qui est avec nous là. Salut, Coraline. Oui, salut. Comment salut. Ça va? Ça va super, bonsoir à toute l'équipe. Eh ben, bonsoir à toi, Coraline. Sois la bienvenue sur Fun Radio, t'appelles de Villefranche. Merci. Toi. T'écoutes Fun depuis longtemps, Coraline? Depuis un petit moment, oui, quand même. Je peux pas vous dire combien de temps exactement. Non, mais en même temps, ce n'était pas un interrogatoire. Une simple question. Coraline, sois la bienvenue, en tout cas. Bon, merci. Alors, tu voulais réagir, toi, par rapport à Julie. Qu'est-ce que tu as offert ou qu'est-ce que tu offrirais à ton mec pour les 3 ans de vie commune? Alors, c'est pas pour les 3 ans, c'était pour son anniversaire, mais bon, je pense que ça peut marcher aussi pour les 3 ans. Mais vous étiez ensemble depuis combien de temps? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ah ouais, combien t'as quel âge? 24 ans, c'est sérieux, Coraline? Ouais. Mais il faut changer. Comment? Mais tu l'as déjà trompé combien de fois? Jamais. Non, mais en vrai. Allez, arrête de nous mitonner. Bon, attends une seconde, parce qu'il doit y avoir un truc pas normal dans cette histoire. Non, mais il faut que je vous dise aussi qu'il est à côté, je peux pas vous dire ça. Fais-nous un clin d'œil. Coraline, combien mesures-tu? 1m63. Combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Mon tour de poitrine, 90C. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Ah oui, je le comprends. Voilà. Il y a peut-être une explication logique à tout ça finalement. Bon, du coup Coraline, donc qu'est-ce que tu avais offert à ton mec là pour son anniversaire? Je lui ai offert des places de concert pour One Direction. C'est qui Audi? Attention, non. J'ai peur. C'est qui l'idole? Ah, moi aussi j'ai peur. Attends. Roulement de tambour. Attends, parce que je suis en stress là. J'ai très très peur. Moi aussi. C'est bon là, le roulement de tambour, c'est ça? Attends, je suis en train de... Attends. Non, je suis pas en forme pour jouer le tambour là, je tremble. Quelle est son idole? Attends. C'était... Non, attends. Attends. Vas-y. Mylène Farmer. Oh le bouffon, la Mylène Farmer. Mais non, mais après on dit pas qu'elle n'a pas de talent, loin de là, hein, mais il aime bien Mylène Farmer. Non, il n'y a pas que Mylène Farmer, mais c'est sa préférée. Ah d'accord, ok. Est-ce qu'on peut, tu peux couper la radio derrière parce que sinon ça fait de l'écho. Ouais, pardon. Mais c'est pas grave, Coraline. Voilà. Mylène Farmer, d'accord, ok. Bon bah écoute, pourquoi pas. Et donc du coup, ça il a kiffé alors. Ah bah il a kiffé. Ah il a kiffé. Et qu'est-ce qu'il aime bien toi Julie, ton mec il aime bien quoi comme artiste, je sais pas moi? Bah il aime bien surtout ce que vous passez à la radio, la techno, mais après j'ai pensé à ça, mais bon les concerts sur les îles là qui coûtent super cher, c'est pas non plus trop dans mon budget en ce moment. Non mais bien sûr, mais j'imagine bien. Mais après il faut voir ce que c'est, tu vois. Après nous on peut peut-être te filer un petit coup de main si c'est juste ça, c'est pas le problème. Mais bon faut voir déjà si l'artiste qu'il aime bien il passe en concert quoi. Bah, il a pas forcément d'artiste maintenant préféré parce qu'il écoute pas mal de tout, mais c'est un petit peu plus compliqué maintenant de trouver le chanteur qui lui plairait vraiment pour. Bon, attends, ça c'est une idée. Alors, attends une seconde, on va quand même prendre Johan aussi, David Amec là. Salut Johan. Salut Michael, salut l'équipe. Comment ça va? Ça va, et toi? Bah oui, tranquille Johan, à la cool, j'ai envie de dire. À la ouais, cool. Bah pareil, tu vois, derrière le volant en train de conduire. Bah voilà, t'es chauffeur toi? Voilà, ouais. T'es quoi, gros camion, camionnette, c'est quoi? Big dédicace au conducteur routier, voilà. Oui, bon, on embrasse tout le monde. Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu disais. Je disais, t'es chauffeur genre camionnette, camion, c'est quoi? Ah, gros camion, moi, gros. Allez, vas-y, camion. Un coup de klaxon, vas-y, klaxonne là. Ça, c'est bon ça, attends, oh. Pas trop droit, c'est pas le même calibre. Ouais, hein. Moi je te démonte avec ton petit camion là, ta petite camionnette. Alors... Non mais t'es sérieux là? Bon, c'est quoi comme camion? C'est un Volvo. Non mais combien de tonnes? 44. C'est quand même. 44 ça n'existe pas, hein. 44 ça n'existe pas. 40 tonnes. 44, rayon. Mais 44 c'est ce qui est marqué sur la plaque de tare, mais maxi c'est 40, vous voyez. Ouais, rentre pas trop dans le détail non plus, hein. On y connaît rien. En gros, pour faire court, t'as droit à 24 tonnes maxi de chargement. Donc, d'accord. Sachant que le bordel, il fait 16 tonnes, enfin non, plus que ça. Ouais, voilà, c'est du lourd, quoi. C'est 40, quoi. C'est du lourd. D'accord, ok. Bon, voilà. Johan, toi, tu voulais donner un conseil à Julie et Coraline, c'est ça? Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Bon, alors... Et, ben, en fait, c'est pour dire, c'est quoi? C'est leurs 3 ans qu'ils fêtent ensemble? 3 ans, ouais. Ben pourquoi, je sais pas moi, du style elle lui fait monter la pression du matin, elle lui envoie des textos sympas, du style t'as rien de surpris ce soir en rentrant, je sais pas s'ils vivent ensemble ou quoi. Sinon, elle lui envoie des textos le matin, et toute la journée elle lui fait monter la pression, et à la fin de la soirée, ils se font un dîner au lit quoi. C'est pas mal. Forcément manger quoi. Ouais, sinon il y a le truc des photos aussi qui est assez sympa. C'est genre, c'est quoi? Ton mec il est un peu fan de lingerie, Julie, ou pas? Ouais, un petit peu. Genre quand tu mets des trucs sexy, ce que tu fais c'est que toute la journée tu lui envoies des photos mais des tout petits bouts. Ouais, partie par partie, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Tu vois, ouais, il pourra pas regarder, il sera au boulot. Mais justement, c'est ça qui est bon. Mais il pourra pas jouer. Ouais, il a quand même un smartphone ou pas? Ouais, mais bon, il a pas son téléphone avec lui au boulot, quoi. Tu lui envoies sur l'email du bureau. Mais... Oh, bien sûr. Avec tout le monde. Eh, regarde Roger, t'as vu, chercher la roche. Eh, elle est quand même plutôt bien roulée, hein, qui est en broche. Elle est quand même plutôt bien faite. Ah, elle est bonne, bien. Mais cela dit, l'idée n'est pas mauvaise. C'est l'idée. Ouais, l'idée est pas mauvaise. L'idée, la journée, tu le chauffes et puis la soirée, tu finis en apothéose, quoi. Voilà, l'apothéose, effectivement, ouais. Hein, c'est pas mal. Tu fais exploser le volcan. C'est pas mal. Bon, si vous avez encore d'autres conseils à donner, là, n'hésitez pas. Et merci, Johan, en tout cas. De rien. Et gros bisous à Coraline, si t'as encore un truc à dire ou pas? Non. Bah si, je pensais juste que pour des personnes qui ont l'habitude d'avoir des relations sexuelles tous les jours, c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut jouer pour les 3 ans. Ouais, c'est pas faux. Enfin, l'idée est bonne en tout cas pour ceux pour les autres. Encore que ça dépend, parce que s'ils ont des relations sexuelles tous les jours, c'est qu'ils sont en chien tout le temps. Donc au final, le mec il va pas cracher dessus. Enfin si, mais bon, façon de parler. D'accord. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Une idée, à voir en tout cas. Oui. Mais on garde toutes les idées, on fera un petit best-of après. Bah, je te remercie Coraline en tout cas d'être passée, je te fais des gros bisous. À bientôt. Bonne Coraline. Salut, ciao. Et on donne la réponse aussi Priscilla à la colle dans quelques instants. Priscilla, juste le temps d'écouter le son de DVBBS avec Tsunami, d'accord? D'accord. Bon, on répète encore un coup la colle, c'est hein, un son du coup. Fait des ravages. Exactement, oui. Je suis de petite taille, pourtant grâce à moi, vos souvenirs restent intacts. Qui suis-je? Vous avez la réponse, vous envoyez simplement M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse, au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Je suis de petite taille, pourtant grâce à moi, vos souvenirs restent intacts. Qui suis-je? C'est bien ça, Priscilla? Oui. Alors reste là, on donne la réponse juste après le son donc de DVBBS. C'est Tsunami maintenant sur Fun Radio, encore un son que vous avez découvert sur Fun. Eh ben on va se le faire maintenant, récupération avec Philippe. On parle encore de l'épilation, hein. Vous préférez les épilations comment? Venez nous en parler, 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Plein de messages qui arrivent en plus, indissociable sur le Twitter qui dit l'ours songe, le chercher en plus. Bah voilà, c'est DVBBS, les 5 lettres, avec Tsunami. Et voilà, Mathieu qui dit un petit coup de pipeau, bah ça fait longtemps, tiens. Voilà, et puis restez sur Fun Radio puisque je vous cale aussi dans un instant. Encore un son que vous aimez bien, Backermat avec Van Dyke. C'est hollandais ça. Et puis si vous avez envie d'écouter un son, hein, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, vous faites vos propositions. Hashtag MIKL sur le Twitter de l'émission, n'hésitez pas. Alors faites attention parce que si vous mettez le hashtag MIKL, apparemment il y a du monde. Ouais. Donc faut faire de la fin, faut dégager les gens, faut prendre de la place quoi. Bah, faut prendre votre place. Bah oui. Voilà. Et d'ailleurs on fera le top tweetos aussi tout à l'heure hein, sur Fun Radio. Top tweetos, le concept est très simple, vous mettez un maximum de messages avec le hashtag MIKL. Et puis on voit à la fin de l'émission quel est l'auditeur, quels sont les 5 auditeurs évidemment qui sont dans le top 5, mais surtout quel est l'auditeur, le meilleur auditeur de la soirée, celui qui a été le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag MIKL. Alors le numéro 5 est Xavier qui est là, donc un auditeur peut voir, il peut se mettre à côté de Toff pour voir que c'est pas du pipeau, qu'on n'invente pas les chiffres, que les chiffres sont là, qu'il y a un vrai site qui est là. Tu peux confirmer? Je lui ai expliqué comment ça marchait. Ouais, d'accord, ok. Non mais Xavier confirme, c'est comme il est à côté. On t'entend mal. Ah je confirme. Voilà. Il osait pas s'approcher de Toff, mais je comprends, c'est dû à la laine. On va lui mettre un petit coup de spray menthol à Toff. Voilà. Ça va mieux? Oui, ça va mieux, je pense. Bon, alors numéro 5. C'est Nanou qui est là, qui a terminé 4e si mes souvenirs sont bons. Il me semble. Numéro 4. Et notre ami Dams Nertik qui est toujours là. Très bien. Mais exceptionnellement, on va donner le top 5 ce soir. Et puis on verra s'il change d'ici à 2h du mat. Numéro 3. Alors Périphéronie. Périphéronie. Numéro 2. Storm Dreamer. Très bien. Qui est à 5 tweets de Let's Be Freaks. Donc il y a 5 tweets seulement. Et Storm Dreamer, si tu veux top tweet aussi. ce soir, tout est possible. Il reste une heure et quart. Les autres aussi, tout est possible. Vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël, tout simplement. Et puis, bah, peut-être que tu seras premier, en fait, tout simplement. Tu as 5 tweets seulement du numéro 1, qui est donc Let's Be Freaks, qui est déjà numéro 1, hein, minuit 43. Comme quoi, tout arrive. Mélanie qui dit tous les soirs de nouvelles musiques que je connais pas. Merci, Mickaël. Avec plaisir, Mela. Thomas aussi, qui dit comme cadeau, laquelle lui ramener une copine à elle et go un plan à 3. Mais oui, oh, c'est oui. Et Julie, on n'y avait pas pensé, mais c'est un bon plan, ça, non? Non, je partagerai pas mon copain avec une autre fille. Ah, oh, mais avec un autre mec. Bon, bah alors, un plan à 3, tu ramènes un autre mec? Non, sans façon non plus. Ah, sans façon non plus. Oh, là, bon, là, d'accord, pas, ok. T'es pas marrante comme fille. Hein. Bon, il y a d'autres messages qui sont arrivés, Julie. Ne bouge pas, on va revenir avec toi. Il y a Jérémy aussi qui est là. T'es là, Jérémy? Ouais, je suis là. Bon, très bien. Ouh, Jérémy, je sens que c'est un auditeur qui va pas tarder à passer dans l'émission, ça, en direct dans les studios. Ah ouais, pourquoi? Parce que t'es pâtissier. Ouais, tout à fait, voilà, je suis pâtissier, ça fait 10 ans que je suis pâtissier. En donc, plus, voilà. Très bien, sache que Sandro veut se marier. Oui. Et si tu te maries avec un pâtissier, tu vas prendre 1000 kilos, Jérémy. Toi. 1000 kilos, ah ouais, tu vas prendre. Oh là là, quelle horreur. Ça va être dramatique. Bon, Jérémy, t'avais un conseil à donner à Julie, on fait ça dans un instant. Juste le temps de laisser à Toff la possibilité de se faire insulter encore une fois ou deux. Ah, allons-y. D'accord, ça marche. Bah oui, j'ai puisque ça. Je rappelle. Et toi, t'aimes comment, toi, Jérémy, l'épilation de ta copine? Ah ben moi, on va dire, je fais partie des 12%, hein, l'intégrale. Sans rien. C'est marrant parce que tous les mecs à qui on a posé la question, c'était effectivement l'intégrale. Et pourtant, apparemment, d'après le sondage, il n'y a que 12% des gens qui préfèrent. C'est bizarre. Bon, on y va, on fait encore un appel, on va vérifier effectivement ce que les gens préfèrent comme épilation. C'est le sondage du soir. Allez, c'est parti. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir comment vous aimiez l'épilation de votre femme. De ta mère. Je m'excuse, mais c'est pas du tout la réponse que j'attendais. Juste ma bite. Non, en fait, je vous demande comment vous aimez l'épilation de votre femme. Pas ce que vous aimez qu'elle vous fasse. J'aime surtout la chatte à ta mère. Hein. Ah oui, mais vous l'aimez épiler comment, la chatte à ma mère? Ben, rasé, à blanc. Ah, à blanc. Donc, à vous préférez sans rien alors? Ouais, ouais. D'accord. Et sur votre copine, pareil? Non, je préfère ta mère, si tu prends pas de ma copine, fille de pute. Oui, d'accord, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez comme pratique à la maison, parce que, bon, ma mère, je pouvais lui demander, quoi. Nique ta mère, arrête de prendre ma copine. D'accord, mais enfin là, on parle que de ses poils, on parle pas d'elle. Eh ben, je m'en bats les couilles, ça te pose un problème que je l'aime comment? Bah non, ça me pose aucun problème, je veux juste savoir, c'est une question comme ça, pour demander. Ta gueule, tu sais qui, ça? C'est peut-être fait remarquer. Attends, on va le rappeler quand même encore un coup. On va mettre quelques petits sons pour voir là si. Attends. C'est une radio de Taras. Mais c'est un pote qui est venu lui dire. Bonjour. Merde. Oh non, il avait reconnu en plus. Oh, c'est con d'aller lui offrir 4 PlayStation 3 avec 17 FIFA 14, ouais, et 20 GTA 5. Merde, il a pas décroché. Ah, oh, c'est ballot. Bon, on appellera d'autres personnes encore dans un instant. Là, retour avec Julie, avec Jérémy. Julie qui nous avait appelé parce qu'elle fête ses 3 ans avec son copain. Elle veut des idées de cadeaux. Et Jérémy qui, lui, donc est pâtissier et apparemment a des idées de cadeaux. Voilà, tout à fait. Donc moi, à la base, j'avais 3 idées de cadeaux. Le premier, vu que ça fait 3 ans qu'elle est en couple, je me suis dit un cadre photo avec eux deux, ou sinon elle pourrait offrir à son mec un massage bien-être. Ouais, et le dernier, sachant que je suis pâtissier, tout dépend d'où elle vient, de quelle région de France. Et du Morbihan. Et du Morbihan, ben moi je serais sur Saint-Brieuc en fin d'année. Ouais. Bon, je pense que ça va être une petite trotte, faut voir. Mais ce que je pourrais faire, c'est si je peux vous donner mon mail, et si elle peut me scanner une photo, c'est calquer la photo sur un gâteau en pâtisserie, et puis leur faire ça, quoi. Oh, c'est parfait, comme ça, en fin d'année, vous venez à la radio, on fait l'anniversaire là, on bouffe le gâteau. Exact. Et on est bien, hein, au voilà. Final. Une pierre de coup. Pour tout le monde. Voilà, une pierre de coup, Julie, c'est pas mal? Ouais, c'est pas mal, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien comme idée. Ou alors mieux, tu fais la pièce montée, tu te caches dans le gâteau. Bah voilà, faire la pièce montée. Ouais, bah on a un pâtissier, t'inquiète, j'ai le bras long, Julie. Pourquoi pas, ça pourrait être marrant. Une idée. Sinon, il y a Guillaume aussi qui proposait le son. Ah, ça c'était par rapport au sondage, je le lirai après. Où est-ce qu'il est? Ah, il y a Boulette qui dit ramène-le aux putes. Ah bah bravo. Oh non, sans façon, non. Il y a Kekiria aussi sur le Twitter qui dit tu lui offres une photo de Mickaël, il va être fou. Oui, c'est vrai, c'est un beau cadeau. Ouais. Bah je la veux bien, hein, faut me l'envoyer, hein, la photo. Bah pas de problème. Lilou aussi sur le Twitter qui dit s'il a le permis, un stage de conduite dans une voiture de sport pour lui des cadeaux, ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Ah déjà fait, déjà d'accord. Fait. Ok, tant pis. Bon bah écoute, voilà, mais ça me paraît pas mal l'idée de Jérémy là. Ça peut être sympa. Ouais, c'est très bien, ouais, c'est sympa. Ça peut être sympa. Après vous jouez avec le gâteau, tout ça, enfin bref. Oui, ça peut être sympa. Je te fais pas un dessin. Hein. Il t'étale sur le corps. Non, sans façon, j'ai compris. Très bien. Bon bah merci Jérémy. Et quand tu veux, tu passes avec un gâteau. Hein. Et quand en fait c'est quoi, t'as une boulangerie ou c'est quoi? Ouais, je suis dans une boulangerie pâtisserie depuis 10 ans sur Paris, au même endroit, donc. Bah profitons pour faire la pub. Bah, la boulangerie où je suis, la pâtisserie, c'est typiquement américain, ça s'appelle Rachel Cakes. Ouais. Donc, non, tu voilà, fais des cupcakes, c'est tout ça? Ah, oh des cupcakes. Là. Je peux t'envoyer des photos des cupcakes. Non, mais t'en merde pas, Jérémy! Ouais. Eh, hey, te fais pas chier, si tu peux venir demain à la radio et si tu peux pas venir, t'inquiète pas, on passera te voir. Sauf que demain, je pars dans le sud, donc oh voilà. Non, ah. Tu pars quand dans le sud, à quelle heure? Je pars demain matin à 10h et je reviens lundi soir. Bon, tu reviens quand? Bon, bah mardi soir, on t'attend avec les cupcakes. Ok, bah ça marche. Avec plaisir. Bah du coup, fais la promo parce que t'as juste donné le nom mais t'as pas donné l'adresse. Bah ça se trouve 31 rue d'Hauteville à Paris 10e. D'accord, très bien. C'est à côté de chez moi. Et bah c'est parfait. Oh c'est bon. Ah, ça. Bah, bah voilà. Chez toi demain. Très bien, bonne nouvelle. On vient d'apprendre quelque chose, c'est cool. Bon bah Jérém, je te repasse Sandro au standard et t'inquiète pas. Pour le coup c'est bien, je devrais pas être derrière son cul pour dire. T'as rappelé le mec, est-ce qu'il va venir? Tout va être géré. Bon bah merci Jérém, à mardi hein. Bah merci à vous et à toute l'équipe. Merci Jérém, ciao, bye bye. Bon bah Julie, tiens-nous au courant, d'accord? Tu fais des petites photos, tout ça, etc. Hein. Je voulais vous demander, vous donner les jeux de FIFA 14 ou pas? Ah non, pas là, non, on en a filé hier, là pour l'instant on en a plus. Ah d'accord, parce que ça aurait été une bonne idée de cadeau aussi. Si ça ah, t'as essayé de m'en fumer là, où je rêve, la Julie, là, hein, non? Non, ça aurait été une bonne idée de cadeau. Vous venez d'en parler quand vous avez appelé la personne qui est tombée sur sa messagerie, vous avez dit FIFA 14, donc je me suis dit, ah bah tiens, je savais pas que vous en donniez, donc... Mais non, mais parce que justement, je me foutais de lui en disant qu'on allait offrir 20 FIFA 14, 17 GTA, 14 PlayStation 3, c'était pour me foutre de lui. Mais écoute Julie, reste à l'écoute de fun, de toute façon on en offrira encore à mon avis bientôt. Ok, d'accord. D'accord. Je te fais des bisous Julie, merci d'avoir appelé. Salut. Et à bientôt. Salut Julie, salut. Ciao à toi, bye bye. On va prendre Philippe dans un instant aussi pour l'épilation, mais avant cela, on est déjà à la bourre parce qu'on doit faire ça à minuit et demi normalement, mais c'est pas grave. Au cœur de la nuit sans pub, Priscilla, nous allons te reprendre. Oh oui, ah oui, je suis là. Bon, alors, on va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante éventuelle de la PlayStation 3 avec le jeu GTA 5. Tu as posé une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, qu'on l'appelle et qu'il décroche, il gagne, tu perds. Si la réponse est mauvaise ou qu'il ou elle ne décroche pas, elle perd, tu gagnes. D'accord. On y va, on appelle, c'est parti. Le gagnant, la gagnante, quelqu'un qui s'est inscrit au 64-900 en débutant le message par Mickaël ou au 63-22 pour la Belgique ou même via le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Ça sonne. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Marvin. Marvin, c'est ça? Oui. Très bien. Un peu gay, Marvin. Marvin, pourquoi? Marvin gay. Oh, c'est drôle ça. Oh, très fort. Hein. Oh. Bon, alors, Marvin, il y a Priscilla qui a une colle à te poser. Oui. Je suis de petite taille, pourtant grâce à moi, vos souvenirs restent intacts. Qui suis-je? Une photo. Oui. Eh ben voilà. Félicitations. Merci. Bravo Marvin. La PlayStation 3 et GTA 5, c'est pour toi. Bon ben voilà, t'avais... Ah, yes. Bah écoute, avec plaisir hein, Marvin, hein. Tu écoutes depuis longtemps l'émission ou pas? À peu près depuis le début, ouais. Bon bah nickel, bah écoute, voilà, on a fait plaisir à Fidèle, ça fait plaisir. Bravo à toi. PlayStation 3, GTA 5, donc on va t'envoyer ça rapidement. Je te passe chez Sandro au standard, d'accord? D'accord. Salut Marvin, bonne soirée, enfin bonne nuit plutôt. Ciao. Merci. Et Priscilla, bah désolé, hein, merci encore d'être passé, on va quand même te filer un pack fun. Oui, et par contre, ça serait possible de faire une petite dédicace. Allez, vas-y, comme ça t'auras gagné ça aussi. D'accord, bah, je fais une dédicace à toute ma famille, ainsi que mon homme, mes enfants qui dorment pas à cette heure-ci. Genre, normal, des gros bisous pour, mère indigne, voilà. 1853. Pour leur dire que la famille, c'est sacré. Très bien, bon, bah, le message est passé, Priscilla. Salut à toi. Salut, au revoir. Allez, à bientôt. Retour avec Philippe dans un instant qui va nous expliquer ce qu'il aime au niveau des épilations, là, justement. Et puis, on va encore parler, on va encore appeler des gens pour la vérification de ce petit sondage au niveau des épilations. On parlera des jeux, des dessins animés également, avec plein de messages qui sont arrivés par rapport aux dessins animés, justement. Tiens, attends, là, je vais les retrouver maintenant. Alors, où est-ce qu'il est, Mickaël ? Merci pour le clochard, c'est Clem. Pour le clochard. Qu'est-ce oui, que j'ai dit ? C'est le... Non, c'est le Corse qui dit... Ah oui, oui, c'est vrai que c'est toi qui avais demandé cet extrait-là, autant pour moi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, plein de messages qui sont arrivés, notamment donc, par rapport au dessin animé. Il y avait quoi ? Il y a eu beaucoup de messages, voilà. Le prince est acquis, j'avoue que j'étais une fan inconditionnelle du club Dorothée, Juliette, je t'aime, les chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z, Elisabeth qui dit, moi je kiffe le roi lion et la petite sirène, lol. Oh ah, oui. Là là là là. Clément qui dit, salut Mickaël, moi c'est la panthère rose. Il y avait quoi ? Devil Paradise qui dit, fou rire, mort de rire, mes dessins animés Dragon Ball Z, Cobra, Sin Saya, Sauce Park pour Anarchy, Nico, Sauce Park c'est juste le meilleur cartoon, c'est un peu le générique de l'émission aussi, ah, en fin d'émission, hein, pour ceux qui sont là jusqu'à 2h. Il y a Anne-Flore qui dit moi c'est le Roi Lion, Dame Snerti qui dit moi j'ai jamais, j'aimais bien Tom Sawyer, il y a Maud qui dit pour Princess Raypons, il y a One Piece, Captain Harlock pour Nick Rose, il y a Pierre aussi sur le Twitter qui dit en dessin animé il y avait Transformers et Nicky Larson, et Stéphanie qui proposait l'inspecteur Gadget ou encore Père Castor, c'était les meilleurs. Ah, il y avait aussi, je sais pas si vous avez si vous souvenez, c'était il y avait un serpent dans le Romain des Bois, et puis il y en avait un autre aussi qui s'appelait Flèche Bleue. Oui. Un espèce de serpent bleu qui était complètement con et qui se disait le serpent le plus rapide du désert. Et il parlait comme ça avec le feu sur la langue. Oui. Et il disait salut, c'est Flèche Bleue, le serpent le plus rapide du désert. Donc allez voir sur le YouTube si vous l'avez. Il était con ce serpent. Enfin bon, allez voir. Et puis Barbie qui dit tu vends carrément du rêve, Mickaël. Robin des Bois, là, ça gère bien. T'as vu un peu ? Je suis un petit peu comme ça, moi, le Robin des Bois. Je vole aux riches pour donner aux pauvres. Oui. Voilà, tout simplement. Et Kikiria qui dit comme cadeau une pipe. Ok, je sors. Non, c'était une bonne idée, cela dit, Kikiria. Ouais, moi, bon. J'aurais été d'accord. Hein. Ben, t'as vu un peu, effectivement. Allez, tous vos messages qui arrivent en direct sur le Twitter de l'émission, twitter.com, vous tapez Mickaël _ officiel pour venir nous rejoindre. Si vous me faites un follow, moi aussi je vous ferai un follow. Et puis venez également ce soir hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Venez mater les photos, on en a mis une tout à l'heure avec Sandro et Polo notamment. Et puis j'ai mis une vidéo également avec une meuf qui essaye de vous montrer comment faire pour avoir de beaux cheveux. Et vous allez voir que le résultat est, comment dire, pas terrible. Au taquet, moi je trouve le résultat. Cramé, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est ça. Voilà, le résultat est cramé. Donc allez voir, je vous ai mis ça sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Et on s'écoute Macklemore. I wanna just live inside my cattle. Macklemore à l'instant sur Fun. C'était White Walls. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Mickaël No Limits. On Fun Radio. Ouais, et Macklemore qui est en concert à Bruxelles d'ailleurs, c'était la semaine dernière avec Fun. Et en fait, après il était se balader, il s'est perdu dans les rues de Bruxelles. Mais il a cru que c'était comme aux États-Unis, tu sais où, c'est des rues avec première rue, deuxième rue, troisième rue, quatrième rue, et ainsi de suite, toutes les unes parallèles aux autres. Sauf qu'à Bruxelles, bah, c'est un peu comme dans toutes les villes un peu anciennes, hein, comme Paris, Rome et tout ça, tu sais, c'est des petites rues qui vont dans tous les sens. Et donc le mec il s'est complètement paumé. Et bon, à mon avis, il a dû terminer dans la rue d'Arscott, à la rue des putes. À mon avis, il trouvait ça sympa. Bah ouais, il s'est dit tiens, c'est original cette rue-là, dis donc, très sympathique. Choc. Ouais, clairement, ouais, clairement. Ah, les mecs, ils sont complètement là-bas. Tu parles même pas d'un poil. C'est clair. Le prince est dit pourvu que Mickaël nous repasse encore un titre en version remix avec le Belge et le Corse, avec la bonne dose d'insultes qui va avec. Oh, peut-être, on verra. Faut que je trouve l'inspiration en fait. GTR 586 qui dit oui, boss, c'est trop bon. Ah ben, je vous le remettrai tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui demandent. Tiens, je vous l'avais passé tout à l'heure, celui-là, tiens. Ah, il y avait qui aussi ? Il y avait où est-ce qu'il est ? Dame Snerti qui proposait aussi. Repasse-nous boss, s'il te plaît, Mickaël, j'en ai encore. Ah bah, je vous l'ai fait découvrir tout à l'heure, et bien je vous le remettrai avec grand plaisir. Yaku aussi, depuis dimanche, j'écoute du début à la fin. Elle est énorme, l'émission, c'est Romuald. Ah ben merci Romuald, et comme tous les nouveaux auditeurs, j'ai évidemment la petite dédicace de notre ami le Corse, bien sûr. Espèce d'enculé, va. Voilà, et bah bravo et bienvenue à toi Romuald, et n'hésite pas à faire venir les autres aussi, hein, bien entendu. Coucou, le meilleur, c'était les Tortues Ninja pour les dessins animés, bisous et contente de vous retrouver. Ben merci et contente de te retrouver également, mais si t'as pas signé. Carl-Antoine qui dit toute la nuit jusqu'à 2h du match, je chante la chanson de Terence et Philippe avec vous. Là, vous êtes géniaux. Et c'est le générique de l'émission avec Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Pour ceux qui ne l'écoutent jamais jusqu'à 2h parce qu'ils s'endorment avant, je vais vous la mettre exceptionnellement, mais l'émission n'est pas finie. Alors attention. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu poupes tes bites, t'as fait sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle, vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encules ton oncle, t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton oncle toute la journée. Voilà Carl-Antoine, c'est pour toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? T'as fait une tête de con. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Espèce d'enculé, va. Espèce de petit pili de merde, va. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi l'enculé. Tellement ça te fait enculer. Et toi ton nom c'est un enculé. Oui. Allez les loups de Loving Fun. Merde. Ah non. Quelle mauvaise. Je voulais terminer là-dessus, j'ai oublié de pousser le bouton. C'est la machine. Voilà, c'est ça. Oh merde, je mérite une claque. Boum. Voilà. Bon, ben voilà, comme ça tu l'as eu, comme ça tu l'avais demandé, c'est fait. Pokémon, le dessin animé de toute mon enfance, une vraie tuerie, je préfère quand c'est rasé à blond d'ailleurs, Mickaël, t'es le meilleur, merci. Christelle qui dit Futurama et American Dad, ceux-là ils envoient du lourd. Il y a Oliver aussi qui dit un de mes dessins animés préférés, c'est les Happy Tree Friends ou encore Denis. C'est dégueulasse ce dessin animé. Les dessins animés que je regarde et Tic et Tac, j'adorais Tic et Tac, Olivier Tom, la bande à Picsou, bah ça c'était mon dessin animé préféré ça. Je suis fan de Picsou. Ouais. Mais bien sûr, et j'ai appris avec Picsou qu'un sou est un sou. Exactement, et alors moi j'aimerais bien me construire un coffre-fort comme ça où je pourrais nager dans mes pièces. Les mini pouces, Goldorak également, ça c'est à l'ancienne ça, Flo qui dit salut Mickaël. Ouais, les mini-pouces, ouais. Ah, il y a Flo qu'on a eu tout à l'heure, là. Salut, Mickaël, c'est moi qui vous ai cramé sur l'épilation des femmes. Et c'était pour savoir si je pouvais faire une dédie à Pierre, Kevin, Anto, Mathis et tout le 09. Bah oui. Alors, Flo, c'est celui qui... celui qui voulait la chatte à ta mère, toi. Oui, c'est lui. Bah, c'est ce qu'il a dit, hein. Parle pas de ma copine. On l'avait appelé tout à l'heure pour l'épilation, pour savoir un peu comment ça se passait. Il y a Laura qui dit malgré qu'il lise pas mes tweets, je l'aime fort. Mais qu'est-ce que tu racontes, Laura? T'as vu que je lis tes tweets? Elisabeth qui dit je kiffe la vidéo de la fille qui fait ses cheveux. Moi, ça m'arrive, je pleure. Tu m'étonnes, Elisabeth. La vidéo est sur le Facebook. Allez voir facebook.com/chezmickaëlofficiel. Et Tommy qui dit le générique, il est énorme. Carrément, je chante fort et ça réveille ma mère. Bon, on le remettra à 2h. Hein. C'est le générique de fin. Voilà, tout simplement. Et puis un message aussi qui est arrivé. Vous venez à la radio, on mange le gâteau et ça finit en partouze. Ouais, moi j'aime bien. Pourquoi pas? Moi je suis d'accord. Oui, pourquoi pas. Et puis Gwenaël qui dit du lourd, vous êtes de mieux en mieux, vive les insultes et vive leur mix et vive la colle. Bah vive tout quoi. Merci Gwenaël en tout cas pour le message. Beaucoup de messages, hein. Bientôt on va dire que ça au final. Bon, un petit message également de notre ami belge. Allez. Ta gueule, connard. Voilà, et le préféré Toff. T'as mis au mot, t'as calculé sous ton front, connard. Notre ami Carolo, évidemment, qui est avec nous comme tous les soirs. Bon, Philippe, le Corse qui est toujours là. Toujours là. Oh putain, dis donc. Alors, toi, tu nous avais appelé parce que par rapport à l'épilation, avant qu'on fasse d'autres appels. C'est ça. Bon, alors, toi, tu les préfères comment, toi, les épilations de ta copine ou des filles en règle générale? J'ai pas compris. Ah bah ça commence bien. Bon, je disais qu'est-ce que tu aimes comme épilation chez ta copine ou chez d'autres filles? Oh, je mets l'explosif et je fais tout sauter moi. Voilà, elle a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah ouais. C'est comme ça que ça se règle en Corse. Exactement. Avec la cagoule. Exactement, dans le maquis. Oui, avec la cagoule en plus. Voilà. Oui. Bon, alors du coup, tu préfères quoi toi Philippe? Moi, un ticket de métro, ça me fait bander. Ticket de métro, ça te fait bander? Ok, d'accord. Non mais pourquoi pas, hein. Et si la fille il y a rien, parce qu'il y en a qui disent ouais non moi j'aime pas quand c'est tout totalement rasé, j'ai l'impression que la fille est encore prépubère. Du moment qu'il y a un trou en Corse, oui. Ouais, c'est ça. On se fixe dedans et c'est fini. Et pourquoi tu répètes ce que ton pote il dit? Parce qu'il veut parler. Oh, il veut pas parler à l'antenne? Du moment qu'il y a un trou. Allô? Oh la violence. Il veut parler, il a... Oh là là là là, moi je pensais que les Corses ils étaient au taquet, ils avaient pas peur d'un téléphone. Oh d'où? Pas de téléphone, jamais s'il explose. C'est ça. très bien. Bon, vous êtes où là en Corse là? Ajaccio. Ah, Ajaccio, très bien. Très belle ville Ajaccio, hein. Magnifique, de toute façon tout est beau en Corse. Tout est beau en Corse. Non, c'est vrai. Moi j'adore. C'est pour ça que ça s'appelle l'île de beauté. Non mais pour le coup, sans sucer la bite des Corses, je me permettrais pas. J'y suis allé une fois et c'est super beau la Corse. Bon, j'ai fait que le Nord. C'est très souvent chez nous, l'île de beauté, c'est pour ça que ça fait un peu comme ça. Exactement, exactement. Ouais. Et les gens sont très sympas. Ouais. Tant que tu dis pas que t'es français, comme je suis pas français, moi j'y suis allé sans problème. Non mais même si tu respectes. Vous êtes bienvenu, au contraire. Non, mais si tu respectes le Corse, il te respecte. Quand vous avez les femmes, me fait arrêter, c'est bon. Après, il me fait là. Crie pas dans ton téléphone parce qu'on comprend pas du coup, Philippe. Je dis, tant que les femmes de faire la radio viennent avec vous, c'est bon. Une fois que... T'inquiète pas, on va venir avec elle, y a pas de problème, Philippe. En tout cas, merci d'avoir appelé, t'embrasse ton copain, hein. Salut à toi. Oh, ça va, et je voulais faire une petite dédicace à Monsieur Sébastien, voilà. Eh ben très bien, le message est passé. Salut à toi, salut à toute la Corse. Allez, à bientôt. Allez, bisous. Ciao à vous, bye bye. Il y a, avant de prendre Adrien, on va le prendre bien entier. Salut Adrien. Allô, comment ça va bien et toi? Adrien, c'est... Ah, c'est Adrien, d'accord. Ouais, bah, salut Adrien, alors. Ouais. Bon, Jean-Paul. Tranquille, tranquille. Alors Adrien, tu nous appelles pourquoi? Bah, je vous appelle parce que moi, ça fait un an que j'ai avec ma copine et puis j'ai l'impression que... Elle n'a plus confiance en moi, plus rien, et puis je vais prouver le contraire ce soir, quoi. Bon, ah, tu veux qu'on l'appelle? Ah bah oui. Bon, on va en parler dans un instant, justement, ne bouge pas de là. Avant cela, eh bien, déjà, si vous avez pas des conseils, mais si vous avez déjà vécu la même chose, genre vous êtes aussi avec votre copain, votre copine, il se passe plus grand chose, il y a plus de confiance, comment ça s'est passé, comment vous êtes sorti de là ou pas, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, mesdemoiselles, on vous attend, les mecs aussi d'ailleurs. Adrien, bon, on va faire quelques petits appels avec Toff, là, normalement il va se faire insulter, bon, en général, c'est comme ça que ça se termine, pour l'épilation, tu t'aimes quoi, toi, comme épilation chez ta copine, plutôt ticket de métro? Plutôt tout rasé, moi, plutôt la forêt vierge. Moi j'aime quand c'est tout lisse, bon, faut que ça déboîte. Tout lisse, voilà, donc il n'y a pas de poils quoi. Tout déchire quoi. Voilà, faut qu'il y ait l'entretien quoi. D'accord, ok. Ah, ouais. Bon, eh ben écoute, on va appeler Toff, t'es prêt? Toujours, je suis toujours prêt pour. Bon, ben vérification pour voir si le sondage est exact, 12% apparemment seulement, eh bien, préfèrent les femmes rasées contre 48% qui aiment bien la version full naturelle avec tous les poils. Bon, on y va, c'est parti, on appelle. Reste avec nous, Adrien. Allez. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir comment vous aimiez que votre femme s'épile. Ah, oh, bah, d'accord, ok, très bien. Ouais. On va le rappeler. On rappelle, c'est parti. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je demandais à votre mari comment il aimait que vous vous épiliez. Va te faire foutre, connard. Et pourquoi te rendre violence, madame, juste pour trois poils? Dites-moi, le connard, va te faire foutre. Non, mais moi, je veux juste... Allô? Ah, on va le réécouter celui-là de temps en temps, à mon avis, le va te faire foutre, connard, il était pas mal. Hein. Bon, on en appelle encore un ou quoi, Adrien? Allez, on va appeler ailleurs, là, on va appeler ailleurs, c'est parti. T'es prêt, Toff? Toujours, allez. Moi je suis toujours prêt. C'est parti, on rappelle. On va voir comment ça va se passer, et puis vous aviez demandé que je repasse both, je le remettrai tout à l'heure, promis. Bon. Allez, both avec both. Alors? Ça dort ou quoi, 1h10? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir comment vous aimiez que votre femme s'épile. Ouais, je sais pas. Bah, vous savez bien ce que vous préférez, avec ou sans poil. Oh putain, il a raccroché, attends, on le rappelle. Oh, quel con. Bah, il est con, il répond même pas en plus, il laisse parler, puis après il répond plus. Bon, on rappelle. Allô? Oui, excusez-moi, j'étais en communication avec votre mari. Et en fait, je lui demandais comment est-ce qu'il préférait que vous vous épiliez. T'as rien à faire, c'est ce connard. Excusez-moi, je lui demande juste comment il aime que vous vous rasiez, c'est pas non plus... Allô? Je vais peut-être appeler la police pour avoir ton numéro. Mais pourquoi faire? Mais voilà. Moi je vous demande juste comment il aime que vous fassiez l'oignon quoi. Comme c'est pas. Bah c'est au niveau de la ceinture quoi, c'est pas super bas non plus. Oh putain, le voir accroché. Bon, on l'appellera d'autres tout à l'heure. Hein. Si vous avez des numéros, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, des gens qui sont encore debout à cette heure-ci, n'hésitez pas. Bon, Adrien. Oui. Puisque t'es là et avant de parler de ton problème justement, tiens, est-ce que t'as déjà dit des phrases du genre quand t'as terminé de faire l'amour par exemple, genre t'as aimé bébé? Ah moi je dis c'est quoi, je dis tu kiffes et tout, elle m'a dit tout le temps, bah oui, bien sûr quoi. Ah ouais, donc toi t'aimes bien qu'on te rassure quoi apparemment. Moi, non, parce que... moi je suis quelqu'un qui aime bien faire l'amour déjà, donc oui, bah, je suis obligé de savoir si ma partenaire, ma femme est satisfaite, quoi. D'accord, parce que j'ai le top 10 de des phrases qu'il ne faut surtout pas dire. Alors, soyez honnête et venez me dire celles que vous avez déjà utilisées ou si vous en avez déjà eu justement des phrases pas très classes que votre copain, votre copine ou votre plan d'un soir vous a balancé à un moment ou un autre. Qu'est-ce qu'elle t'a déjà dit, toi, Adrien, ta copine? Ah, moi j'ai dit quoi? Moi, j'ai dit t'es une bête, quoi. Normal, quoi. Toi, comment il se la rate? Non, moi, je suis une bête. Comment il se la ramène? Une bête, tu dis jamais ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, j'aime tellement le cul que je kiffe. Sérieusement, c'est... Ouais, mais t'es pas un d'accord. Beau gosse, arrête. Ouais, bah, parce qu'il y en a qu'un seul. Bon, Adrien, reste avec nous. On va reparler avec toi dans un instant. On va essayer de récupérer ta copine, là. Et puis, plein de messages qui sont arrivés, là. Il y a le Corse qui a envoyé un message qui dit « On s'est approprié fun ». Hashtag Mickaël, hashtag Team Corse. Oui, c'est vrai. Effectivement, vous avez vous avez un petit peu racheté. Elle va te faire enculer au clochard. Voilà. Espèce d'enculé, va. Tu as été coupé, mon con. Espèce de petit pili de merde, va. Oui, c'est vrai, vous êtes un petit peu devenus maintenant les propriétaires. T'encule, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà. J'ai compris, fils de pute. J'ai compris. Et dans ton cul, au connard. C'est vrai que les meilleurs, c'est celle du Corse. Hein. Non, après, il y avait aussi notre ami Carolo, bien sûr. Hein. Enculé de ta mère, Ah, il y a le mec de Lens aussi. Hein. Ah, il y avait, oui, non, c'était la meuf de Lens. C'était la meuf de Lens, c'était celle-là, la meuf de Lens. Ferme ta gueule, gros bâtard. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, dis donc. Oh, et il y a Thomas qui dit un trou, c'est un trou, la bite n'a pas d'œil. Par contre, faut faire gaffe, elle a un nez quand même. Oui, c'est vrai, il faut faire se méfier aussi. Il y a Skull Roxer aussi, oui, là, sur le Twitter, qui dit moi, j'adore les chats bien propres. Il y a Clem qui dit tant qu'il y a pelouse, il y a match. Classe, Clem. C'est très classe. C'est très, très classe. Auré, qui dit aussi, j'étais fatigué avant, mais en écoutant fun, ça m'a gâché mon... Attends, c'est quoi? Ça m'a caché, réveillé. Bon, j'imagine que t'es plus fatigué, Auré. En tout cas, bah, tant mieux, sois la bienvenue. Sinon, moi, j'aime bien aussi Kangoo Junior pour les dessins animés. Maxime qui dit aussi, mon ex m'a dit que ma bite a beau être grande, elle est comme moi, elle sert à rien. Oui, ce sont des choses effectivement qui arrivent. Mais par rapport aux exemples, justement, là, les trucs à éviter de dire, c'est par exemple... comment tu t'appelles déjà? Voilà. Non, ça fait partie, quand même, hein. Ça fait partie des 10 points à ne pas dire, évidemment. Hein. Donc, ne vous trompez pas de prénom également, hein, parce que ça peut paraître mauvais. Ou alors, aussi, éviter le... Alors, c'était comment? Oula, j'ai déjà voilà. Fait ça. Toi, t'as dit ça, toi? J'ai dit, non, je lui ai demandé si ça lui avait plu. Ouais. Oh là là. Sauf que non, mais attends, c'est comme ça que j'ai su que. C'était un mauvais coup? Que j'étais trompée surtout. Pourquoi? Il a dit quoi? Parce que ça faisait longtemps qu'on était ensemble quand même. Ah, hein. C'était génial, donc, Bernadette. Non, je lui ai dit, ouais, enfin, je lui ai demandé si ça lui avait plu. Il dit, oh putain, vous dites tout ça à chaque fois. Ah, et c'était ton premier? Enfin, et toi, t'étais sa première? Et non, ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Ah, d'accord, ouais, mais bon, quelques après. Quelques années. Ah oui, quand même, oui, d'accord, ok. Bah oui, c'est ballot, ça, effectivement, oui. C'est gros. Voilà. Et puis sinon, il y a aussi le... À éviter de dire aussi, une fois que vous avez terminé, c'est... C'est quoi cette odeur? Ça, il faut éviter. Ou alors le genre, vous avez fait le 200 mètres, le yes! Tu sais, genre, ça y est, t'es fier de toi, t'as terminé ton truc, là, t'es au taquet. Bon, dites-nous si vous avez déjà sorti des phrases à la con ou si vous êtes déjà sorti avec des mecs ou des filles qui ont sorti des phrases un peu bizarres qui vous ont du coup pas vraiment plu. Vous nous envoyez vos messages maintenant, vous allez sur le Twitter, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas, vous balancez vos potes, vous allez chercher aussi, qui sort du lit aussi, hein, je compte sur vous. Et puis sinon, vous appelez le standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, on parlera épilation dans un instant avec Sonia qui est déjà là. T'es là, Sonia? Oui, on est là. Allô? Oui, on est là, parfait. Oui. Très bien. Oui. Sonia, t'as entendu le nouveau morceau que j'ai mis tout à l'heure, le Boss? Hein? T'as entendu Boss que j'ai mis tout à l'heure, le nouveau son là? Non, j'ai pas entendu. T'as pas entendu? Eh ben, on va te le remettre maintenant, Sonia. Eh ben, on va te le remettre maintenant, Sonia. T'inquiète pas, regarde, c'est le nouveau Boss. Tu me diras après si t'as bien aimé, d'accord? Allez, okay, pas mal. Allez, vous êtes deux sur la ligne, Sonia. Vous êtes... Quel est le deuxième nom? J'ai pas compris. C'est qui le deuxième qui parle? C'est Leïla la Toulousaine, et c'est Piljamé et Kindav. Ah, Leïla et Sonia, celle qui s'épile jamais. D'accord, ok, je prends note. Pas de problème. Bon, restez là, les filles. Bon, on s'écoute Beauf, justement. Vous avez été nombreux à le demander. Je vous l'ai fait découvrir un petit peu avant minuit. On se le remet maintenant sur Fun. C'est Mickaël No Limite. Bienvenue. Do you really think you can control me? Et voilà, nouveau nouveau son que j'avais fait découvrir, Booth, sur Fun Radio avec Booth, B-O-T-H, c'est le nom du groupe et en même temps c'est le titre de la chanson. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous avez me corsé les couilles longtemps là. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Exact. Sur Fun Radio, il y a le clip d'ailleurs de Booth hein, qui est super bien fait avec un mec, un tueur qui est en train de danser dedans. Là, vous pouvez aller voir, je vous l'ai mis sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. On va reparler dans un instant des erreurs que vous auriez pu commettre hein, en couchant avec votre copain ou votre copine, surtout à la fin. Et puis on va encore se faire un petit appel. Mais oui, soyons fous. Bah oui, on va se faire un petit appel maintenant là. Petit appel donc pour vérifier si effectivement les gens préfèrent l'épilation intégrale du maillot ou comme donc comme 12% ou comme 48% préfèrent laisser la version naturelle prendre le dessus. Donc on y va, on appelle. C'est reparti. Juste après, on va récupérer Sonia et Leïla de Toulouse. Pascal qui voulait réagir par rapport aux phrases à ne pas dire. Et Adrien qui veut qu'on récupère sa copine. Fais ça après. Hello ? Oui, bonsoir monsieur. Oui ? Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir comment vous aimiez que votre femme se rase. Comment ? Comment vous aimez que votre femme s'épile ? Oh, vous faites erreur, monsieur. Non, non, pas du tout. C'est à vous que je pose la question. Hein, vous aimez que votre femme, elle se taille le buisson comment ? Bon, non, mais elle démonte, non. Allô, monsieur ? Rien. Mais non, il a raccroché, hein, taf. Bon, on rappelle encore un petit coup pour emmerder le monde là maintenant là. N'hésitez pas à donner les numéros, hein. Vous envoyez vos numéros là, des numéros de gens que vous êtes sûr qu'ils sont encore debout à cette heure-ci. Allez. Allô. Oui, excusez-moi, on a été coupé, monsieur. À qui est-ce que vous vous adressez pour le moment? Bah, à vous, monsieur, puisque c'est vous qui avez décroché. Eh ben, moi je ne vous connais pas. Mais non, on ne se connaît pas, mais je veux juste savoir comment vous aimez que votre femme, est, vous savez, elle se taille l'entrejambe. Allez vous foutre. Allez vous foutre. Qu'est-ce que ça veut dire ça, allez vous foutre? C'est aller vous faire foutre, mais rapide. Ah, en wallon? Non, c'est rapide. Ah, c'est rapide, d'accord, ok. Bon, mais j'ai appris un nouveau mot, comme ça au moins je me coucherai moins con ce soir, c'est bien. On en fera encore d'autres appels tout à l'heure. Si vous avez des numéros de téléphone sympas de gens qui sont encore debout, tout ça, etc., n'hésitez pas à les envoyer, hein, sandro@funradio.fr, des numéros de téléphone qu'on pourrait éventuellement appeler, de gens qui sont de boutards, là, tout ça, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Et si en plus vous pouvez nous mettre quelques petites infos sur la personne, genre les trucs qui peuvent l'énerver, comme ça, hop, on gagne du temps et on les énerve encore plus rapidement. Retour avec Adrien dans un instant, mais avant cela, il y a Sonia et Leïla, les deux Toulousaines. Vous êtes là, les Toulousaines? Oui, on est là. Parfait. Bon, alors, 20 ans donc, les filles, et vous voulez réagir par rapport à l'épilation, c'est ça? Oui, voilà, l'épilation, parce que depuis tout à l'heure, on entend parler de l'épilation. Ouais. Mais voilà, quoi. Bon, c'est comment chez vous, là, Sonia? C'est comment chez toi? Chez moi, comment je m'épile, moi? Oui, oui. Alors, moi, je m'épile à la cire. D'accord, mais c'est à ça. La cire, je la fais moi-même, je l'achète pas, je la fais moi-même. Ah, tu fais la cire toi-même? Oui, je fais bouillir en fait du caramel. Non. C'est du sucre. T'es sérieuse là? Oui. Non, je pense sérieuse. Alors on prend du sucre avec du caramel. Hein. Et après, écoute, c'est du sucre. Tu mets un peu d'eau, un peu de citron. Tu fais cuire et t'attends. Et c'est l'épilation naturelle. Ça ne fait pas pousser pendant 2 mois. D'accord. Ah ouais. C'est la meilleure, ça. Hein. Ah ouais? Ouais, si tu sais le faire, c'est mortel. D'accord. Franchement, je tiens à dire ça pour les filles, quoi, qu'ils essayent et mais tout. Mais tu mets ça partout? Ouais. Tu t'épiles comme ça partout? Ouais, partout. Les jambes, entre les jambes, partout. Bon, la dernière fois, elle s'est arrachée le clito, mais bon, c'est un détail. Il a repoussé depuis. Voilà, hein. Mais sinon, on parle de l'épilation des femmes, mais on aimerait savoir l'épilation des mecs. Mais juste avant, Sonia, je veux savoir à qui je parle. Combien mesures-tu? Alors, moi? Oui. Moi je fais 1m65. D'accord, combien pèses-tu? 55. Quel est ton tour de poitrine? 115 E. Quoi? Oh, t'es sérieuse? Je rigole pas, c'est la vérité, pourquoi vous moquez de moi là? Oh, on se moque pas, oh là là. Comme exclamation? Oh oui, comme énorme. Comme extrêmement grand. Vous avez la Nabila numéro 1 là derrière le téléphone. Ah ouais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Pardon? Le dernier pantalon que tu as acheté, quelle taille? C'était du 36. Hein. Qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah oui, on va le remettre. Qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne. Comment tu dis? Non, qu'est-ce qu'elle est bonne, mais franchement, je suis bonne, ouais. On l'a bien vu, hein, on l'a bien vu, Sonia. Ah, pour venir dans le sud. Pour mais voir t'inquiète ça. Pas, c'est prévu, on va passer faire une émission en direct de Toulouse là, pendant l'année. On passera te voir, Sonia. Y a pas de souci. Et sinon, les mecs, ça fera comment? Un rasoir en mode chamallow? Non, en mode chamallow. La tondeuse. Là, ouais, chez nous, les filles, c'est le caramel. Donc, chez vous, Belek, c'est le chamallow. Non. Tondeuse, hein, ça suffit en plein mois. Mais qu'est-ce que vous aimez, justement, les filles? Tiens, vous préférez quoi? Préférez un mec, genre, pas de poils du tout, un petit peu, taillé, rien, quoi. Franchement, pas tagué, rien du tout, la boule à zéro. Non, mais je parle même pas spécialement au niveau de la bite, hein, mais au niveau de tout. Non, mais boule à zéro. Partout, donc zéro. Pas de poils du tout sur tout le corps. Ouais, partout. Allô. Oui. Salut, là, c'est Leïla. Ouais, Leïla. Leïla, combien mesures-tu? Ah ouais, putain. Leïla, combien mesures-tu? Oui. Tu fais 1m56. Combien pèses-tu? 65. Quel est ton tour de poitrine? 95. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Ouais, je pense à ta copine. On l'aime bien, Leïla, on t'aime bien. Eh, vous pouvez dire que c'est un connard. Oh, c'est un connard. Voilà. Espèce de sale connard, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, si vous lui dites pas, c'est pas grave. Moi, j'ai quand même mon ami Carolo là. Espèce d'enculé. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, comme ça, on a remis les choses au clair, exactement. Donc vous préférez les filles, les mecs, complètement imberbes? Oui, complètement rasé. Non, un peu sur le torse. On a laissé un peu sur le torse quand même. Ah, manière d'accord, de... ok. Histoire que ça chatouille un peu. Manière d'être allongé sur la pelouse. Grande classe, les filles. Tiens, il y a Lilou aussi sur le Twitter qui dit chez moi, c'est la forêt vierge. Stéphanie qui dit grave. J'en ai un qui m'a dit, ça va, t'as pas eu mal, c'est gentil chérie, hein, mais t'es pas roco. Ah oui, c'était par rapport au pire truc à venir. Oui, pas con, c'est effectivement, pas eu mal, c'est pas mal. Bon, hey, les filles, on passe vous voir quand on va à Toulouse, promis. Hein. Pas de soucis. Ouais, y'a pas de soucis. Et moi, attends, je te dis un truc dans l'oreille, prends mon numéro, hein, Fred, mais le dis à personne. D'accord, ok, je le dis à personne, ça reste entre nous, Sonia. Y'a pas de soucis, vas-y. Y'a pas de problème. Salut Sonia. Et allô. Ouais, allô. Oui, c'est Leïla. Ouais, et... Leïla. Je voulais demander, est-ce qu'on peut faire un numéro relou? Tu veux faire un numéro relou, c'est-à-dire? Ils veulent faire un canular en fait. Ah, tu veux... Tu l'as déjà fait depuis longtemps, le numéro relou. Hein. Tu veux quoi, tu veux qu'on appelle quelqu'un pour que tu lui prennes la tête? Ouais, s'il te plaît. Écoute, on va essayer de... Déjà, il faut voir si les auditeurs qui ont les numéros éventuellement à donner, là, encore. Allez-y, à sandro@funradio.fr. Bon, reste dans le standard, Sonia, on va essayer de trouver quelque chose, t'inquiète pas. Bouge pas de là, Sonia, et on va également prendre Pascal, qui est là, qui voulait réagir par rapport aux phrases bizarres, enfin, aux phrases qui peuvent casser votre couple, hein, si vous n'êtes pas un minimum intelligent. Ça va, Pascal? Oui, ça va, et toi, dis-moi. Écoute, plutôt bien, Pascal, merci, c'est bien, t'es un des rares qui prend des nouvelles. Moi, je demande toujours comment les gens vont, mais personne ne demande comment je vais. Le Pascal le routier d'hier soir. Ah, Pascal le routier d'hier soir, et comment il va le camion? Ah ben écoute, là, je suis arrêté, je suis en train de viser chez un client, je suis à côté de Nice, et très après, bien. Je suis en Italie. Eh ben voilà, ben, très bien, et bye. Je vais t'envoyer la photo du camion, d'ailleurs, puisque c'est drôle, je voulais la voir. Ah ouais, bah avec plaisir, on la mettra sur le Facebook, comme ça vous nous direz ce que vous en pensez du camion là, du camion de Philippe, du camion de Pascal, pardon. Est-ce qu'il y a un arbre? Ouais, moi je voulais te dire parce que hier soir j'étais avec ma copine. Ouais. Et puis c'est une nana qui fume, tu sais. Ouais. Donc, après qu'on ait fait ce qu'on ait eu à faire, ouais, elle me regarde et me dit mais que tu fumes pas, toi? Je dis non, je fume pas, mais puis tu sais, en disant ça, en voulant faire un jeu de mots, j'ai regardé mon gland, j'ai dit non, tu peux regarder, ça ne fume pas, hein, de ce côté-là. Hein. Elle a pas trop apprécié. Sans déconner. Sinon il y a Gwenaël sur le Twitter qui dit aussi truc à ne pas dire, on se grouille parce que téléfoot va commencer. Et dis-moi, je peux te poser une devinette? Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu sais la différence entre une femme et un ascenseur? Je sens que ça va être lourd, vas-y, dis-moi. Il y en a pas, dans les deux cas tu mets le doigt où t'habites, hein. Oh, la grande classe. Mais en fait, Pascal, t'es un mec de classe et tout. Un ouais. Gentleman. Ça sent trop la classe, trop la classe. Il y a David aussi sur le Facebook qui dit mort de rire, ma copine m'a sorti, j'aime ta bite. Bon, ça va, c'est quand même plutôt bien. Il y a Justin qui dit aussi un plan cul qui en plein milieu me lâche pour moi, c'est bon. Ou encore, ça faisait trop genre, j'ai eu mon compte, alors dépêche-toi, je me suis cassé direct. Il y a Clem qui dit ah, je vous ai fait beaucoup rire, j'aime bien. Ah bah oui, Clem, là, tu nous as bien fait marrer avec tant qu'il y a de la pelouse, il y a quoi? Il y a un match, ouais, c'est ça. Le prince est là qui dit se tromper de prénom au moment de l'orgasme, l'erreur fatale. Ah ouais, là ouais, effectivement. Il y a Yves qui dit continuez jusqu'à demain soir, s'il vous plaît. Ne vous arrêtez pas, vous êtes énorme. Putain. Eh bah merci en tout cas. Jusqu'à demain, peut-être pas, mais on sera de retour demain, t'inquiète pas. Kikiria qui dit moi perso, après avoir fait l'amour, j'ai dit toujours ce que je pense, même si ça fait pas toujours plaisir, mais je suis sincère. Antonio qui dit tant qu'il y a du poil, c'est légal. Et alors aussi Stéphanie qui dit ouais, moi j'ai un mec qui m'a comparé à son ex en pleine action. Waouh, la grande classe en plus. Ouais, hein. Mon ex, ah ouais, c'est pas comme ça. Ouais. Et Lilou qui dit encore entendre son mec balancer le prénom de son ex en plein jouissement, c'est pas terrible. Ouais, pas faux. Alors sinon, par rapport à mes 10 trucs à ne pas dire, donc il y a le, bah ça c'est surtout pour les filles en général. Hein, quand elles le disent, c'est déjà. Là, tu dis ouais, bon bah. Ouais, déjà, c'est voilà, comme ça, j'ai pas le choix. Sinon, il y a aussi le... T'as pensé à arracher du PQ ? Mais c'est pas possible ! Le truc qui est au top de la grande classe. Ou encore le pire, mais ça, j'ai du mal à croire que des gens le disent. Si, peut-être des connards, en fait, tout simplement. Bah, peut-être Tof, à mon avis, il a déjà dit... Pff, c'était mieux avec mon ex, hein. Non, moi, j'ai fait au-delà de ça, j'ai fait Qu'est-ce le pire du pire. Et ben, en fait, c'était donc après une sodomie. Quoi ? Oh ! La grande classe. Non, c'est pas ça qui est la grande classe, c'est l'après. Et donc la meuf, elle vient. Ah, et elle dit ça ? Je t'encule, toi, ta mère, ta grand-mère. Non, pas loin. la meuf, elle revient vers moi et je lui fais non, arrête, je parle pas aux enculés. T'es sérieux avec ça ? Ouais. J'ai trouvé ça très drôle, j'étais fier de moi, ce genre-là. Mais donc elle a pari. Ah non, elle s'est barrée. Ah ouais, parce que je pensais pas drôle en fait, il y a que lui. Et il était content parce qu'il fallait voir sa tête, il était fier comme un coq, il avait fait la vanne de l'année. Je parle pas aux enculés. C'était nul. Non, il y a que oh, merde. Attends, toi, Polo, t'as rigolé ? Mais oui, parce que c'était... Non mais c'est tellement ridicule. C'est nul. Je l'imagine en train de dire je parle pas aux enculés. Bon, véridique, hashtag et Mickaël maintenant sur le Twitter. Dites-nous si vous êtes si ça vous a fait marrer. Ou alors par SMS 64 900, au début le message par Mickaël ou 3044 puis la Belgique. Y'a aucune meuf que ça a fait marrer, mais tous les mecs je suis sûr ils ont rigolé. Mais voilà, mais peu importe, mes coufis, dites-nous si ça vous a fait marrer. Hashtag et Mickaël sur Twitter ou par SMS, vous envoyez Mickaël espace votre message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Il y a un message aussi qui est arrivé, un coup de pelle pour Tof, c'est Guillaume, écoute avec grand plaisir. Voilà, c'est tout ce qu'il mérite. Et alors Stéphanie qui dit moi je veux tester les cupcakes dont vous avez parlé tout à l'heure, cupcakes arc-en-ciel. Est-ce que vous voulez être mes cobayes? Bah oui, écoute, pourquoi pas, il faut les apporter, hein, y a pas de problème. Et alors message aussi, il y a Guillaume qui dit le sondage a dû être fait sur des personnes de plus de 60 ans par rapport à l'épilation. Bah écoute, je sais pas, mais on va poser la question puisque justement on a Mario qui est avec nous. 60 ans Mario. Allô. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien? Écoute, bah tranquille, hein, de Seine-et-Marne, Mario, dis donc. Voilà, Seine-et-Marne, oui. Comment ça va, Mario? Ça va très bien, vous êtes formidable. Bon, c'est gentil, Mario, écoute, on fait ce qu'on peut. On vous aime très fort, il faut continuer comme ça. Bon, c'est gentil, Mario, c'est gentil. Qui est formidable. Qui voilà. Bon, je vais réagir un peu pour l'épilation. Oui, alors c'est quoi l'épilation chez toi? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère une femme qui soit une femme. Hein. Il faut pas qu'elle soit épilée, vraiment. Ah bah l'auditeur avait raison, c'était pour les plus de 60 ans que le sondage avait été fait. Mais donc toi tu préfères que la femme soit en full option quoi? Non, pas tout à fait ça, mais bon, une femme ça entretient quand même. Une femme c'est plus jolie quand il y a un peu des velours qui reste à ramper comme ça. C'est moi je préfère sans rien, mais après voilà, c'est une question de... Oui, mais qu'est-ce que c'est la différence et qu'est-ce que c'est plus sexy, sans rien ou avec? Bah ça évite d'en avoir dans la bouche déjà, tu sais. Non. Les poils récalcitrants qui veulent se barrer. Mais ça, je suis pas pour ça, moi. Je crois qu'une femme, il est plus sexy avec un peu de garniture. Ouais, pourquoi avec pas garniture. Avec la garniture, hein. Ça fait comme tout, si on arrive et tout est vide, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors une femme, il faut la découvrir, hein. Écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il faut la décapoter. Ouais, il faut la décapoter. Non, pas tout à fait ça, mais on est un peu trop rapide. On doit aller toujours. C'est comme le feu rouge, le feu vert, le feu orange. C'est pareil. C'est comme une voiture, ça. Ouais, donc toi tu préfères avec les poils. Bon, on l'a bien compris. Ben écoute, merci Mario, hein. Merci, bon, mais à bientôt. Et ben quand tu veux, Mario. Allez, ben merci beaucoup, Mario. Salut, d'accord. Toi. Salut, merci. À toi. À bientôt, Mario. On aura Anthony dans quelques instants aussi. Adrien, on va essayer d'appeler sa copine aussi pour essayer de lui trouver une solution. Apparemment, ça va plus très très bien dans le couple. Et puis encore plein de messages qui sont arrivés là. Ouh là là, il y en a beaucoup. On n'aura pas le temps de tout lire. Il y a Joséphine qui dit mort de rire. Quelle classe, c'est dégueu. Le prince est là qui dit Tof, ton humour n'a pas de limite. Merci. Elle devait être ravie, la fille, avec ta sympathie de phrase après l'amour. m'étonne. Jérémy qui dit, je l'ai trouvé drôle sa blague à Toff. Ouais, ouais. Toff, c'est pas marrant, c'était méchant. C'était Gladys qui avait envoyé le message. Mais non, c'était drôle. Bah non, bah non. Laura qui dit, bâtard, tu m'aurais dit ça, je t'aurais pris une de cette année. Bah voilà, bien fait, c'est bien Laura. Romuald aussi qui dit, ah si, énorme la blague. Merci, non, merde, Romu. Let's be freaks qui dit, je parle pas aux enculés, t'es ignoble, Toff. Joséphine aussi qui dit, le truc qui plombe l'ambiance, c'est quand t'en as un qui dit, attends, j'ai envie de péter. Putain, c'est arrivé ça chez toi, c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Et puis Tommy qui dit trop fort la blague de Toff. Je vais la ressortir, merci Toff. Non mais ressors pas ça, c'est la honte. La ressors pas par elle pitié. Est elle est nulle. Allez, restez sur Fun Radio, 1h34. Il n'y a pas de pub sur Fun Radio la nuit, on est à la cool, c'est Mickaël No Limit et c'est Red Fou qu'on écoute maintenant sur Fun. Yeah. 23h, 2h. Mickaël, No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Exact, en direct sur Fun, 1h38 et plein de messages encore. Ah, ils êtes debout encore, il y en a beaucoup encore là qui est debout là, à cette heure-ci. Là. Clément qui dit Toff, c'est un fou. Toff. Laura qui dit aussi, t'es sérieux, mais t'es un tocard, j'aurais été à la fille, je t'aurais attaché, je t'aurais foutu un coup de pelle dans le cul. Voilà. Et elle a raison, Laura. C'était par rapport à ce que Toff avait dit à une fille après une sodomie, je parle pas aux enculés, il a répondu, donc la grande classe. Guillaume qui dit, en revanche, quand c'est poilu, le gland est plus tendu. Et elles étaient en forme ce soir. Hein. Christelle qui dit, hello, en ce qui concerne les phrases qui tuent, j'en ai une sympa, un de mes ex, après l'acte, je pars prendre une douche et en revenant dans la chambre, je lui ai sorti, non mais t'es encore là toi? Oui, je sais, je suis méchante. Oh. Et on parle de moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il y a Barbie aussi qui dit merci de m'avoir redonné le sourire. Je vais pouvoir me coucher encore une fois avec le Big Smile. Merci, Mickaël, t'es le meilleur. Merci, Barbie. Bah, reste avec nous, il reste 20 minutes d'émission. Tu vas pas partir avant la fin. En plus, on a le générique tout à l'heure là. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Moi, mon ex m'avait sorti, tu es une grosse salope. Ah ouais, c'est grande classe. Charline qui dit ouais, éventuellement. Salope. Moi, pourquoi je le dis, moi. Ouais, même ouais. Sans acte, tu le dis. Oui, c'est ça, même sans acte. À longueur de journée. Ouais. Charline qui dit aussi, moi j'ai déjà dit, alors t'as aimé salope, j'étais mort de rire. Teva qui dit, l'avantage de la levrette, c'est que t'es pas obligé de sourire, c'est pas faux. Et Justin qui dit aussi, moi j'ai dit un truc, grande classe, une qui bouge pas à qui je dis, écoute, je lui ai dit, j'ai l'impression de baiser un cadavre, oui. Je vais aller le finir chez les putes. Oui, c'est ça. C'est un connard et on l'a en ligne. Ah, il est là, non, ouais. Sérieux, c'est bah, Anthony c'est Justin. Ah non, Justin. Ouais, allô. Oh là là, Justin de Bruxelles, tu fais honte. Allô, allô. Tu fais honte aux Bruxellois, Justin. C'est pas chaud, Bruxelles. Non. Ah bon, pardon. Justin. C'est mon verre. Bon, Justin, 25 ans, là, comment ça va? Ça va bien, et toi? Soutenu, bah, ça va, tranquille, ouais. Bon, vu, alors, c'est toi qui... c'est moi le connard. C'est toi qui as dit ça? Quel enculé. Oh là là, le salaud. Alors, explique-nous un peu comment ça s'est passé. En fait, c'est un peu compliqué. Ben voilà, j'étais plus jeune parce que je veux dire maintenant, ben, je fais plus de trucs comme ça. Non, voilà, mais, non t'es devenu, sage. Non, mais c'est vraiment. Il demande à la meuf, c'est le bouche. Ouais, voilà, en fait. Ouais, parce que fais gaffe, parce que sinon, sinon je te passe le carolo. Hein. T'as mis au mot, t'as calculé sur ton front, connard. Voilà, c'est ça. Ta gueule, connard. Ouais, du calme le carolo, mais là, il va se calmer lui. Hein. Bon, alors, Justin, vas-y. Alors voilà, la situation c'était, bah voilà, il y a tout ça, on a tous des moments où on a envie les mecs, donc voilà, et là je savais que c'était une fille, donc je l'appelle et je lui dis bah je viens te chercher. Je crois que t'as voilà. Dit j'avais envie d'une fille, je l'appelle et je la baise, tu vois, mais ça ouais, va. Ouais, mais je vais la chercher et puis on fait ce qu'il y a, on commence dans la voiture et tout ça, et vraiment j'avais un pote qui l'avait déjà baisé, parce que voilà, on se les passait entre nous à cette époque-là, c'était une grande époque. Hé, hey, file-moi le ballon là, s'il te plaît, file-moi le ballon, je fais un tir. Et donc il m'avait dit ouais, elle bouge pas. Ben je lui dis ouais mais elle bouge pas. Non il me dit elle bouge pas. Je dis, bah, c'est pas grave, là j'avais vraiment trop un chien là ce soir là. Mais donc ça veut dire qu'elle voilà. était couchée, toi t'étais au-dessus en missionnaire et rien. Ouais mais même après j'ai bougé de position. Dans la voiture c'est pas évident de faire beaucoup de positions, mais voilà, rien du tout. Et là je lui dis écoute, moi c'était vraiment pas possible parce que voilà, il faut un minimum. Donc je lui dis, écoute, j'ai l'impression de baiser un cadavre, j'allais me terminer chez les putes, je me suis rhabillé, je l'ai déposé chez elle, mais j'ai pas été chez les putes. Et il a été mais j'ai pas été. Oh, t'aurais dû aller. Oh, il s'est fini la main, ça va plus vite. Voilà. Ouais, oui, c'est pas faux, et puis c'est moins cher. Voilà, après, bah, la fille, en fait, c'était une fille qui ouvrait beaucoup sa gueule, et en fait, nous, on travaillait en boîte, c'était un de mes collègues. Travaille et donc, elle a voulu ramener sa gueule à la boîte, mais je l'ai ramené donc, dans le sas à l'entrée avec tous les portiers, et je lui ai dit, t'as quelque chose à dire sur moi? Elle dit, bah non, et je fais, maintenant tu vas répéter mot pour mot ce que je t'ai dit quand on était dans la voiture. Elle l'a dit devant les autres, ils étaient morts de rire, donc maintenant du coup c'est devenu le cadavre dès qu'on la voit. Oh putain, oh, et toi évidemment t'es passé pour la grande star, Justin. Hein, ouais, mais ça se fait pas de faire ça, franchement. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est t'étais dégueulasse bien... de faire ça, la pauvre. Hein, t'étais bien content qu'elle te dégorge le poireau. Hein, con. Ah ouais. Non, mais même tu l'humilies devant plein de gens, c'est pas cool de faire ça. Oh. Mais c'est elle qui parlait toujours mal sur les mecs, donc voilà, là, elle en a eu pour son compte. Ah voilà, c'est ça, elle a eu la monnaie de sa pièce. Non mais et du coup tu la vois plus aujourd'hui toi? Non, non, je la croise de temps en temps, mais elle vient souvent manger en fait dans un resto que ma copine tient, mais ma copine elle est au courant de toute l'histoire. Oh là là, la copine, donc, voilà, elle l'appelle aussi le cadavre, elle me dit ouais, il y a le cadavre qui est là et tout. Mais attends, mais la copine, tu l'as eu après ou tu non, l'as non, après. Hein. Ah d'accord, ok, donc tu l'as pas trompé avec le cadavre. Non, non, du tout, d'accord. Du tout, je vais jamais trompé. Non mais très bien, mais voilà, rassuré comme ça. Fais le malin, fais le malin. Bon, oui, oui. Voilà. Un de ces cas, ça paiera, tout ça. Bah, bon. Je trouvais que c'était une bonne histoire à raconter, là. Mais t'as bien fait, écoute, t'as bien fait, c'est très bien, Justin. Tu sais qui c'est qui m'a filé ton numéro, c'est Toff. Non, sans déconner, tiens, contrairement... Mais Sandra, j'ai une réaction. Le contraire m'aurait étonné. Bon, ben bah, merci, mais Justin, en tout cas. Ouais, pas de soucis. Et à bientôt, alors, Justin. Je peux juste faire une petite dédicace à ma chérie. Bon, allez, bah vas-y, c'est fait, du coup. À ma chérie, mais elle dort, là, en ce moment, mais voilà, elle a une grosse journée, parce qu'elle a une école de danse sur tournée. Donc, voilà. Ah oui, toi t'es à Bruxelles et sur tournée. Un gros bisou. Ouais, bah voilà, moi je travaille à Bruxelles là pour l'instant, donc voilà. D'accord, très bien. Eh ben écoute, pas de problème. Salut à toi, Justin, à bientôt. Salut. Et y a moyen de gratter un pack fun ou pas? Ouais, parce que hier je suis passé avec Vince, mais en Belgique, donc avec Vince, mais j'ai pas eu le temps de gratter que. Ah ouais, voilà. Mais ça c'est vrai. Mais ça il gratte. Non mais je te renvoie chez Sandro, on va te filer ça, y a pas de problème, Justin. Ça va, merci bien. Salut. Allez, bonne nuit. Hein. Allez, ciao, bonne nuit à toi. Ciao, Justin, et au plaisir. Bon, Toff, on rappelle encore un petit coup là? Si tu veux. Bah oui, pour vérifier comment ça se passe au niveau de l'épilation. Allons-y. Allez, c'est parti, on va vérifier ça. On appelle. Et ça ne téléphone pas. Tu vas casser le son. Bah non, si, c'est ça y est, ça téléphone. Parfait. On y va. Et après, on va récupérer absolument Adrien là. Hello. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelais pour savoir comment vous aimiez que votre femme s'épile. Comment? Ben comment vous aimez qu'elle se rase la chatte? Je comprends rien. Ben votre femme, oui. Au niveau de l'entrejambe. Hein, vous aimez que ce soit comment? Je comprends rien à vos histoires. Ben votre femme. Oui. Vous voyez votre femme? Oui, oui. Bon, oui. Vous voyez le clito? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez à voir avec ça? Ben je voulais savoir, en fait, les poils qui sont au-dessus, vous voulez qu'elle en fasse quoi? Je vais mettre dans votre nez. Eh ben ce sera le message de la fin. Je sais pas ce qu'ils ont avec ta mère, Tom, mais... Ouais. Eh ben voilà, ce sera le mot de la fin, tiens, voilà, tout simplement. Bon, retour avec la phrase, il y a Anthony qui est avec nous maintenant de Charente-Maritime. Là. Salut Anthony. Ouais, salut, ça va? Ça va et toi? Oh bah ça peut aller, hein. Bon bah très bien. Alors Anthony, toi tu nous appelles parce que tu voulais réagir par rapport aux phrases qu'il faut pas dire en fin de relation sexuelle, comme le celui que j'ai déjà eu tout à l'heure, hein, le déjà, le t'as acheté du papier toilette, c'était mieux avec mon ex. Il y a aussi le pourquoi tu pleures qu'il faut pas dire, ou encore comment va ta mère. Bon, il faut quand même être bien con pour sortir ça à la fin. Ou encore je te l'avais bien dit. C'est genre je t'avais dit que j'étais un tueur. Ah ouais. Je te l'avais bien dit. C'est quoi tes phrases toi? Bah c'est pas les phrases à moi, c'est plutôt celles de ma copine. Ouais. Parce que je sors avec elle toujours. Et ça lui arrive plusieurs fois. Ça dépend des week-ends. Elle me dit alors je suis bonne. Ah c'est elle qui te demande si t'es bonne? C'est elle qui te dit alors je suis bonne, elle te pose la question. Voilà. Et ça s'est flippé on va dire quand même. Hein. Bah ça dépend, elle est bonne ou pas? Bah pas tellement non. Oui, alors évidemment, vu comme ça, c'est délicat. Et tu lui dis quoi du coup? Bah je lui dis que bah oui hein. Ah tu lui fais plaisir quoi? Ouais, non, mais ce qui fait flippant, c'est qu'on finit l'acte, on s'allonge devant, et du coup, elle me regarde avec les yeux fixes, quoi. Elle me regarde, c'est un truc de flippé, quoi. Elle me dit, je suis bonne. Je dis, oui, hein. Le mec, il est soumis. Tu veux faire plaisir, oui, tu veux. Il a peur de dire l'inverse, d'accord, ok. Non, c'est que je suis vachement stressé, j'ai pas l'habitude de passer à la radio comme ça, on va dire. Hein. Ah non, mais c'est pas grave, t'inquiète, Anthony, on est à la maison ici, hein. Ouais, oui. Chez moi. Quand t'appelles un pote, t'es pas stressé? Bah t'as dépensé que aussi, hein. Ah bah là c'est pareil. On l'était pas. Ouais. Voilà, tout simplement. Ouais, okay. Attends, regarde, je vais te rassurer un petit peu là, regarde. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Ah, voilà. Tu vois, on est entre amis ici là, il y a que des gens bien. Ouais. Mais oui. Et dans ton cul, au connard. Voilà, tu vois, on est que des gens bien. J'ai compris, fils de pute. Voilà, tu vois. Non, franchement. T'encules. Toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà, que des gens agréables, gentils, ouais, serviables, accueillants, bref, classe, quoi. On est entre gens sympas ici. Non, on est en... Exactement. Ouais. On est entre gens, on est entre gens plus que sympas. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Voilà. Tu vois. Et il y a un truc aussi par rapport, il y a, comment il s'appelle, le mec qui a trouvé une blague, j'en ai une fille, c'est mon parent qui me l'a dit. Il dit, qu'est-ce que c'est entre une femme et une perle, des colliers? Une femme et une perle, j'en sais collier, rien. Des colliers, ouais. Ok, ouais, il faut enfiler les deux. Bah aucune, ça s'enfile des deux côtés. Ah ouais, bah toi, il avait raison, effectivement, alors. Oui, oui, vraiment, oui, mais ça m'étonne pas qu'il ait trouvé, ça tient. Bon, ben Anthony, eh ben merci à toi d'être passé, en tout cas. Putain, tu parles plus vite que moi. En tout cas, je vous adore, continuez comme ça, c'est nickel. Ben c'est gentil, t'écoutes depuis longtemps, Anthony? Ah bah oui, tout le temps. Bah de toute façon, tout quand je peux, quoi. Bah oui, non, je dis t'écoutes depuis longtemps, pas si t'écoutes tout le temps. Ça fait au moins 4-5 ans. Ah oui, fidèle de fun, alors, c'est très bien, Anthony. Bon, ben merci à toi, en tout cas, tu repasses quand tu veux. À bientôt, Anthony. D'accord, bah. Allez, bisous, bisous, je vous adore. Allez, ciao à toi. Et évidemment, à tous les nouveaux qui viennent de débarquer, pour ceux qui viennent de débarquer, justement. Hein. Va te faire enculer, maintenant. Voilà. Non, mais c'est vrai, tous ces gens-là, il faut qu'ils soient accueillis comme il se doit. C'est normal, les anciens, les nouveaux, il n'y a pas de... il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est pour Toff. T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà. Pauvre mamie José. Oui, et ta mère, non, alors. Arrête de parler de ça. C'est vrai, c'est sa grand-mère, la pauvre. Ouais, qui est con, lui. Je l'ai déjà croisé plusieurs fois, et tu sais, à chaque fois, je vois sa tête quand il dit ça. La pauvre. Bon, et Anthony, pour terminer sur l'épilation, Anthony, 23 ans de Rumilly, dans le 74. Oui, tout à fait, bonsoir à tous. Ça va bien ? Ouais, ça va et vous ? Bon, oui, très bien. Tu voulais réagir à l'épilation, toi ? Ouais, grave, ouais, tout à l'heure, on a eu, je crois que c'était Mario, je crois. Mario, 60 ans, ouais, qui nous avait dit que lui, il préférait les versions d'origine. Ouais, en fait, mais je rejoins un petit peu son principe, en fait, en gros, tu vois, en fait, non, mais ouais, grave, en fait, tu vois, en fait, moi, je préfère, si, je te jure, moi, je préfère, en fait, en gros, pas que ça soit non plus, en fait, non, pas la foison non plus, mais faut que ça soit, on va pas dire non plus épilé totalement, et pas que ça soit non plus vraiment la broussaille, quoi, tu vois, faut que ça soit entre les deux, quoi. Ouais, ils sont taillés, quoi. Limite, enfin ouais, voilà, truc vraiment bien, pas que ça soit non plus envahissant, tu vois, quand... Ah, tu veux que ça soit raccourci, en fait. Ouais, non, voilà, enfin, je veux dire, aussi. Une couche, ouais, quoi, une couche je veux dire, ça fait excitant quand même, quoi, enfin, ça fait pas non plus, ça fait pas dégueu, ça fait pas non plus, je veux dire, tout propre, tu vois, ça fait entre les deux, quoi, moi, je kiffe, enfin, je sais pas, enfin, il y en a peut-être qui sont dans mon cas, hein, mais... Bah, oui, non. Il y en a plein. Mais certainement, c'est juste que, voilà, moi, personnellement, je préfère, effectivement, quand il y a rien, voilà, après, ça c'est mon avis. Oui, après, bon, bah oui, c'est clair que, bon, faut apprécier aussi, faut le dire clairement, que tu lui fais un cunis ou quoi, ta meuf, bon, bah, c'est clair que bon, bah, certes, il y a un petit peu de poil, il n'y a pas non plus énormément, mais enfin, je veux dire, ça donne un petit peu à côté de ça aussi, un côté excitant aussi, quoi. Je veux dire, ça sort un petit peu aussi du enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ah, mais ouais, très bien, ouais, très bien. Ça donne plus de goût. Voilà. Il y a Joséphine aussi, sur le Twitter aussi, qui dit perso, je préfère être épilé à blanc, j'ai horreur des poils. Il y a Daniel aussi qui dit mort de rire, vous êtes énorme pour le remix à l'heure de Britney Spears. Bah oui, on essaiera d'en refaire un autre, mais je l'avais fait en direct, alors le nouveau sera peut-être pas pareil. Ah, il y a bientôt la compile. Ah oui, la compile des, bien sûr, elle va sortir. Jour. Voilà, Crystal qui dit, vous les gars, vous épilez comment? Vous nous demandez, mais vous alors? Bah voilà, c'est ça. Hein. Non, mais pas tout, mais au moins raccourcir, parce qu'après sinon à c'est la dégueulasse. Tondeuse, à la tondeuse. Ouais, voilà, tondeuse. Ouais, jamais de la vie, je me mettrais de la cire, un truc. Non, mais... ça arrache. Ah ouais, ça arrache. Là, c'est les couilles. On m'a proposé de le faire sur le torse, mais laisse tomber, quoi. Ça doit être hardcore, quoi. Et encore, sur le torse, c'est pas très grave. Mais sur le corps. T'imagines, tu mets ça sur les couilles. Mais la crème, ça passe bien. Franchement, tu mets de la crème, ça va tout seul. La crème d'épilatoire. Elle est dans justement l'esthétique et tout, en fait, et justement, elle m'a proposé de le faire à la cire et tout sur le torse. Enfin, laisse tomber, je pense. Te laisse pas faire. Moi, je sais ce que c'est, ouais, te laisse pas faire. Ouais, justement. Il vaut mieux pas. Bon, en tout cas, merci à toi d'être passé, Anthony. Hein. Merci à vous, c'est cool. Il y a moyen de choper une petite compile, un petit cadeau, quoi. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, on va te filer un pack fun. Yeah, bah c'est cool. Bah, continuez comme ça, les gars, pareil, je vous écoute depuis un moment, super cool. Eh bah, c'est gentil, Anthony. À bientôt. Yes, à bientôt. Ciao, bye bye. Et puis depuis 23h, toujours en top tweet. Hein, je me demandais quand est-ce qu'on allait sortir du top tweet, mais on est toujours dedans, donc c'est cool. Hier, on a quand même fait 23h, 8h du matin, grâce à vous, donc quand même pas mal bel exploit. Donc bah, continuez les gens, là, on vous attend sur le Twitter, hashtag Mickaël, sur le Facebook également, facebook.com/Mickaël officiel. Et bah, juste après le son de Van Dyke avec Backer Matt, promis, on récupère Adrien, là, qui voulait faire une déclaration d'amour à sa copine. On l'appelle dans un instant sur Fun. Encore encore un son que vous avez découvert sur Fun là, avec le saxo là. Back Your Mat sur Fun Radio. C'était Vandak. Allez, bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps là. Mickaël, No Limit sur Fun Radio. Exact. Il y a des messages qui sont arrivés là. Il y a un message qui est arrivé par SMS. Mickaël, pendant qu'on le faisait avec mon premier copain, je lui ai dit deux petits points et puis on n'a pas la suite du message. Donc n'hésite pas à renvoyer la suite parce que je sais pas si on l'a perdu en cours de route ou si t'as peut-être bugué, mais on n'a pas eu la suite du message. Voilà, donc ouais, on l'attend. On était grave excité de connaître la suite. Bah c'est ça. Hein. Donc le message c'était Mickaël, pendant qu'on le faisait avec mon premier copain, je lui ai dit et puis bah plus rien. Y a Lynn aussi qui dit tu viens quand à Arras? Bah je sais pas, Lynn. Est-ce que tu peux prolonger jusqu'à 3h du mat? Bah pas ce soir, mais on le fera de toute façon. On ira un jour jusqu'au morning. Ne vous inquiétez pas. Il y a Gloadis aussi qui dit je me suis fait chier depuis. Non, je me fais plus chier, pardon, depuis que je vous écoute tous les soirs. Putain, tu vois, parfois ça m'arrive d'oublier un mot comme ça. Là, c'est con. Hein. C'est que, entre je me fais plus chier et je me suis fait chier depuis que je vous écoute. C'est pas pareil, tu vois, mais merci Gladys. Tommy aussi qui dit sans vous je passerai des soirées de merde. Bah nous aussi dans l'absolu, hein, sans vous on passerait des soirées de merde. Il y a Pierre qui dit c'est moi ou les Corses ont la même voix tous? Non, ils ont pas la même voix, ils ont le même accent en revanche. Vous me vendez du rêve chaque nuit, merci, c'est Mélanie, merci Mélanie. Antonio aussi qui dit tu me fais l'amour et tu t'en vas le matin en lui faisant une pièce sur la table, en lui filant une pièce sur la table de nuit. Ouais, ça par contre c'est quand même pas très classe hein, pour ouais, le coup. Et Crystal qui dit bonne nuit à vous, merci pour cette soirée haute en couleur. Merci Crystal, elle reste encore avec nous, il reste 5 minutes là. On va terminer avec Adrien. Adrien, ton retour. Allô. Bon, Adrien, très bien. Adrien qui nous avait appelé, territoire de Belfort donc, parce que bah il était un petit peu en sursis avec sa copine. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc tu voulais l'appeler parce que tu voulais remettre une couche, tu voulais lui faire une déclaration d'amour, un truc beau. Bah, oui. Voilà. C'est mignon. Bon, alors pourquoi ça s'est terminé ou pourquoi c'est sur le point de se terminer? Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait je suis avec elle mais elle a pas confiance en moi et moi je vais lui prouver le contraire et puis D'accord, mais elle a pas confiance en toi parce que moi je connais un pote aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'il reproche à sa copine d'aller fouiller dans son Facebook etc, ses SMS, sauf qu'il a déjà trompé 15 fois. Donc maintenant il le fait plus, certes. Non, mais il le fait plus aujourd'hui, certes, mais il doit comprendre. Il doit comprendre que c'est pas normal quoi, tu vois. Bah oui. Non, donc, moi j'aime ma femme et justement je veux pas qu'elle croit ça de moi, qu'elle croit que je l'ai trompée et tout ça, mais non c'est pas ça, je l'aime trop, je l'ai fiancée en plus et franchement j'aime trop, c'est tout. D'accord, bon bah alors très bien, écoute, alors tu veux qu'on l'appelle, tu veux dire quoi, t'as prévu quoi? Ah oui, je vais l'appeler, enfin faut l'appeler et puis je lui dire quoi, que je l'aime, que je suis pour elle. Bon bah voilà, écoute, quoi. On va y aller, on verra, il y a Bernie qui dit je t'invite à Annecy. Ah bah écoute, d'accord, mais plutôt en hiver alors, hein, comme ça on pourra, je viens avec ma planche. Ah oui. On ira faire un petit peu de snow. En été, il y a le lac, hein. Tu pourras faire du wake. Oui, c'est vrai. Il y a Tommy qui dit tu viens quand à Mulhouse? Bah je sais pas, mais on va essayer de venir un peu partout, vous inquiétez pas. Bon, et le prince Zach qui dit j'espère qu'il y aura un autre son dans l'émission remixé par Mickaël, trop bon. Bah s'il est pas aujourd'hui, t'inquiète pas, il sera là demain, c'est pas très grave. Ouais. Bon, allez, on y va, on appelle Adrien, c'est parti. On aura le top tweetos aussi hein, dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Donc hashtag Mickaël, il vous reste encore quelques minutes là pour vous inscrire pour être top tweetos. Mais elle sera encore debout à cette heure-ci ? Ouais. Allô ? Ouais, effectivement. Allô ? Oui. Mmh. C'est moi. Non. Tu veux alors que tu m'appelles, sérieux ? Bah oui. Je t'appelle parce que c'est pour te dire que je t'aime. En fait, ce que tu sais pas, c'est que je te dis ça dans le monde entier, tu vois. Voilà. Ma gueule ou quoi ? Bah non, c'est la vérité. Dans le monde entier, je dis que je t'aime. Et bien sûr. Et franchement, si vous connaissez, on va le laisser galérer. C'est pas comme j'ai pas été père, quoi. Moi, je suis tellement. Là, ils nous entendent pas, hein. Mais franchement. Quelle bande de blé. Voilà, quoi. Je t'aime tellement que. C'est juste mignon. Je crois pas bien décrocher la mine pour toi, quoi. Bon, tout le monde te le dit, là. Et tu crois que je t'appelle. Tu crois que je suis genre solo à t'appeler, là. Bah je sais pas pour tout le monde tranquille là. Et chez toi tout seul en train. Ouais. Tu crois que je suis en train de dormir tout seul? Oui. Bon les copains, vous avez eu dire quelque chose là? Donc là il nous entend. Allô? Là il nous entend pas, donc il passe pour un con. Non mais moi je te jure honnêtement. Franchement, je t'aime trop quoi. Je t'aime trop, je veux que tu saches que je t'ai jamais trompé, je veux que que je te tromperai jamais et que faut pas promettre je veux faire ma vie avec toi, je veux partir loin d'ici et je t'aime trop, je veux tout avec toi et voilà quoi, les autres filles j'en ai rien à secouer, les autres filles moi je m'en fous, alors là, Franchement, j'en ai rien à secouer. Il n'y a que toi qui compte pour moi. Je m'en fous, quoi. C'est beau. Voilà, ouais, quoi. C'est beau. Allô? Ouais. C'est quoi ça? Ouais, écoute, tu verras bien. Ça craquait, hein. Donc là, elle croit qu'en fait, il a juste mis une musique parce que eux entendent la musique, mais ils nous entendent pas, nous. Devant le monde entier, ma chérie. La France et la Belgique, ça suffit. Le monde entier. Bah, on part à Internet, il a raison. Je ne crois pas, en plus. Le Panama. Non, Michel, ce que tu fais, là. Franchement, ça vaut 10 000 euros. Écoute. C'est pas beau, ça? Ah si, c'est Guns N' Roses, c'est très bien. Non. C'est de la musique pour se pendre. Pour se pendre. C'est pas une musique, ça. Je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. Oh, quel plaire, alors. J'espère bien. Oh, c'est beau. C'est qui, lui? Bah c'est, je suis un pote d'Adrien là, il m'a dit qu'il y avait moyen de faire un plan à 3. Non mais c'est mort, j'aime que mon chéri. Ah non mais, c'est, mais moi c'est pas pour faire un truc vitam aeternam, hein, c'est que à one shot comme ça quoi, tu vois. Du sale quoi, on fait du sale et moi c'est, voilà. C'est mousse. Moi j'ai craqué complet là. Donc il y a moyen ou pas de faire un plan plusieurs? Non, il y a pas moyen. Allez vas-y. Allez. Fais pas ta chiante Pamela là. En plus t'as un prénom de cochonne. Et toi t'as une voix de cochon alors, hein? Bah oui c'est vrai, je prends ça comme un compliment. D'accord. Bah voilà c'est ça. Alors est-ce qu'il y a moyen ou pas? Non il y a pas moyen non. Oh putain. Oh je suis très déçu là. Ouais, très déçu. Il bah, ouais. Y a toujours ta main, hein, pour que tu oui bah de toute façon bah, t'inquiète pas j'ai l'habitude. Bon bah tant pis on fera ça alors, hein. Bon bah Pamela. Oui. Donc tu je mets des musiques pour se pendre, c'est ça que t'essayes de me dire? Ouais. C'est ça que t'essayes de me dire. Parce que j'ai pas encore mis la meilleure. Oh oui. Seulement toi. Il a craqué. Ça y est, je suis enterré là. Je fais d'accord. Là on est d'accord. Voilà, j'ai ça aussi. Hein. Elle déboîte le bisounours là aussi, non? Ouais, il y a bisounours aussi, mais enfin c'est pas bisounours là pour le coup, hein. Bon. Elle déboîte le là. Ouais, là on est au top là, en termes de musique, on est au top du son dance floor. Mais c'est qui? Vous êtes qui en fait? Ah bah moi je m'appelle Michel. Michel? Ouais, je m'appelle Michel. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Ouais, je me rencontre, ouais. Oh, c'est beau. Excès de mollesse, mademoiselle. Mais oui, c'est vrai. Eh, dis-moi... Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Ouais, mon mec. C'est vrai? Ouais. Et il est bien ou pas? Bah, carrément. Approche, tu ne crains rien. Non, mais j'attendais de voir si elle allait répondre quelque chose. Ouais. Bon, Pamela, le plan plusieurs, c'est possible ou pas? Vas-y, Pam. Non, c'est pas là, oui. Cette petite là. Oh putain. Mais bouillant, je suis chaud. Oh là là. Suce ma bite. Oh non, Lilou, du calme. Oh. Pas maintenant, là, on est en train de discuter. Il y a une meuf avec, en mais plus, ouais, trop non, bien. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Merde. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. C'est quoi ces musiques de fou? Sortez-toi. Ferme ta gueule, gros bâtard. Ouais, toi, je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Ouais, je crois pas, non. À te faire enculer au PD, va. Pas la gueule. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Oui, bien sûr, oui. Ça va, ils sont chauds. Ouais, oui, on a du monde, hein. C'est pour ça, Pamela, on est ouais, une grande bande de potes, là, ben oui. Bon, t'es sur Fun Radio, Pamela. Ah ouais. Ben oui. Bien. De quoi? Ben oui, quand il disait devant le monde entier, bon, il s'est un peu emballé, hein. Belgique et France, c'est déjà pas mal, hein, mais... Voilà, il y a Luxembourg aussi un petit peu, bon bref. La Réunion. Et oui, c'est vrai, la Réunion, effectivement, toutes les îles, la Guadeloupe, tout ça, effectivement, c'est vrai. T'imagines, on passe en Guadeloupe, là. Enfin, je pense, je suis peut-être en train de m'emballer, là, mais ça se trouve. On sera déjà plus chaud qu'à Belfort, quoi. Peut-être, oui. T'as remarqué aussi, toi, bravo pour cette remarque, hein. Il sera déjà plus chaud qu'à Belfort. Oui. Effectivement, vu comme ça. Bon ben voilà Pamela, il t'a fait sa déclaration d'amour, c'était beau, ça a ému le monde entier. Ouais. Bon. Il y a Aline qui dit avec la musique mort de rire, c'est beau l'amour pour Nanou. Il y avait Megumi aussi qui dit c'est quoi ces voix, allez la mollesse on se réveille. Et Clem qui dit c'est mignon, ah, mais oui. Oui c'était mignon effectivement. Bon ben bah, bonne soirée en tout cas tous les deux, gros bisous. Merci, bisous. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut à vous, bye bye. Ah ben voilà. Bon ben merci à tous en cours, en tout cas d'avoir été là ce soir. On va se faire vite fait le top 8 os là, les 5 premiers. Allons-y. Allez c'est parti. Numéro 5. Non mais ça charge une seconde. Ah oui mais oh, merde, tu n'as pas chargé avant là. Bah non, si je charge avant, on les a pas tous. Bah on les a pas tous, normalement ça, ça se termine à 2h normalement. Ah bah oui mais non. Bah ouais mais bon, bon t'en as pour combien de temps là encore bah, là ça charge. Bah ça charge de quoi là, combien de temps? Bah encore 80%. Encore 80%. On a qu'à faire le générique avant. Bah non, on va pas faire le générique avant, c'est con. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mou, avec cette mollesse, monsieur. Bah ouais. Arrestation, je vous mets une amende, vous allez pas. Bon, musique d'attente. Encore là 20%. Ah bah. En attendant. 10%. Ah, je vois que c'est 20% nouveau là. C'est bon là ou pas encore? Presque, faut juste que j'affiche la page. Bah vas-y. Ah je fais la guitare à bouche. C'est horrible parce que... Oui bah je fais la guitare à bouche, je peux pas tout faire non plus hein. Ah c'est clair. C'est la façon dont tu fais ta guitare buccale. Bah oui, bon bref. Bon on y est ou pas? Ouais on y est ouais. Allez c'est parti. Bon on va le faire avec ça tiens. Allez vas-y. Alors numéro 5. Numéro 5, Mr Steven. Mr Steven ouais. Très bien, habitué, numéro 4. Il est de la 5ème place d'ailleurs. Ouais ouais, il y aura souvent la 5ème place. Mais au moins il y est, c'est bien. Ouais. Numéro 4. Fullness Hope. Fullness Hope qui est souvent là aussi d'ailleurs, ouais. Mais jamais premier. Et donc les trois derniers se tiennent dans 10 tweets. Oh c'est bon ça, numéro 3. Alors Storm's Dreamer. Ah putain il a perdu une place. Ouais, il était deuxième tout à l'heure, c'est dommage. Numéro 2. Numéro 2, Dams. Ah pardon. Putain, Dams Nertic. Ouais. Et numéro 1. Let's Be Free. C'est pas vrai encore. Et attention à votre avis entre Dams et Let's Be Free, il y a combien? Deuxième et trois, deuxième et première, il y avait trois tweets. Trois tweets exactement. Non, ouais. Trois tweets. Ouais, faut que tu joues au loto toi, ça fait putain, deux fois. Putain, ça fait aujourd'hui. Deux fois que je suis une chatte d'enfer. Là. Mike, viens demain, on va jouer au loto, je t'accompagne. Non, moi je joue tout seul. Ah, s'il te plaît. J'y tiens. Bon, voilà, bah écoute, parfait alors. Hein. Bravo à Let's Be Freaks, encore une fois, et Dame Snertek, tu peux tirer la gueule, hein. Deux tweets de retard là. C'est pas de bol, c'est vraiment pas de bol. Bon bah tant pis. Il y a le retour des top tweetos demain évidemment à partir de 23h. Il y a un dissociable qui dit Tof, il chie dans la colle, le mort de rire. Prévois le coup de main, pas de problème. Ouais, ouais. Danou qui dit vous avez acheté une radio à Colline aujourd'hui. Bah non pas encore, on n'a pas réussi à la joindre Colline. On va l'acheter. On a essayé mais on espère l'avoir demain. Stéphanie qui dit ah oui, elle est où Colline? Bah justement on sait pas. Donc si vous avez des nouvelles, Colline on l'avait depuis dimanche dans le standard en fait, puisque ses parents lui avaient confisqué sa radio, donc on lui faisait écouter la radio dans le standard. Cyril qui dit bonsoir toute l'équipe, bonne nuit à vous, aujourd'hui merci. C'est mon anniversaire. Vaut un petit message. Bon, bah, Cyril, bah, bon anniversaire, attends je te mets la musique de l'anniversaire avant de partir là, hop là, c'est parti, attention, écoute bien. Voilà. Et bon anniversaire. Sur cette musique d'anniversaire, Let's Be Freaks, il dit Love You Tof, souille-moi. J'arrive. Voilà. Allez, bon anniversaire Cyril. Voilà, en toute simplicité. Et merci à Xavier aussi, auditeur, qui est passé nous voir ce soir. Pas de rien, bonne bah soirée. Voilà, et merci pour les chocobons. Hein, c'est-à-dire que Sandro a dû prendre au moins 15 kilos là, ce soir. Bah, la vie des paquets. À vide le paquet, bah ça c'est pas. Normal, il arrêtait pas de venir nous enfiler. Hein. Bah tu pouvais dire non. Hein. Ah, bah, genre, non. Faute. Bah tu dis non, bah tu les manges pas alors. Ah bah non, ils sont sous mes yeux, je peux pas. Ah, ouais, bah, ah bah voilà. Non, c'est un ah, cauchemar. Ah bah ouais, ah bah ouais, ah bah ouais, c'est ça. Tu les veux? Non merci. Bon ben merci à tous ceux qui ont été connectés ce soir sur le Facebook, sur le Twitter, de plus en plus nombreux, c'est le cas de le dire effectivement. Merci à tous ceux qui nous ont tapé encore en top tweet toute la soirée, merci beaucoup. Et merci également à tous ceux qui sont connectés tout au long de la soirée sur le Facebook de l'émission, facebook.com/michaelofficiel. On reviendra en pleine forme demain avec encore une PS3 et GTA 5 à gagner à partir de 23h sur Fun Radio. Et puis bonne nuit. Et puis Rancard ouais. Également, tout à fait. Bah oui, Rancard également. Demain à partir de 23h sur Fun Radio. Fun Radio, no limit. Mickaël, no limit. Sur Fun Radio. Et plus proche de nous, c'est notre... pourquoi il regarde qu'est-ce qui se passe j'en regardais la machine à terminer l'émission, c'était magnifique. La machine, oui, parce que nous avons une machine qui termine l'émission. On a des machines pour tout. Machine à terminer l'émission. Un petit message pour Jérôme, le boss de la radio aujourd'hui. Non mais d'abord il y a le générique, non? Oh putain, c'est vrai. Je l'avais oublié le générique, dis donc. Ah bah, quand même. Effectivement, il a raison, il a raison. Vrai, bravo. Générique, c'est parti. On pourrait faire un générique pour Jérôme. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Poupe des bites, t'as fait sucer, toi l'enculé. Un enculé, parce que ton nom, y'a vraiment personne qui a voulu comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? On a mangé des chocolats. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel cochon. Que veux-tu? Ils sont canadiens. J'ai rien à faire, c'est ce connard. Elle va te faire enculer au clochard. Enculé, toi, l'enculé. Ça se fait enculer. Toi t'as un oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. C'est vrai. Suce ma bite. Suce ma bite. Ah putain, sur le fil. Sur le fil, sur merci le fil. Lilou qui vient exprès pour ça. Oui, tout à fait. Lilou de Lovin' Fun, que vous retrouvez tous les soirs avec Karel, Karimel, Doc, bien entendu, oui. À partir de 20h, hein, qui est là. Bon, le problème, c'est qu'elle n'a pas une grande conversation. Suce ma bite. Voilà, c'est ça. C'est Lilou. Bah écoute, merci Lilou en tout cas. Merci d'être passé, Lilou. Suce ma bite. Très bien, oui. Merci JB. Merci JB. Blague de JB. Eh oui, voilà. Grande classe. Tous les soirs, rendez-vous pour la blague de JB. Évidemment. Bon. Il a proposé de faire un générique spécial pour Jérôme. Ah oui, on pourrait ça. C'est vrai, tu pourrais. Bah, je vais. Tu en prends évidemment toute la responsabilité. Non, mais un truc sympa, évidemment. Ouais, ouais, bah, bien sûr, évidemment. À sa gloire, tu vois. Ah, bien sûr. À la gloire de la direction de Fun Radio. Alors, attends, si tu veux. Je peux le proposer. Merde. Non mais il faut peser les paroles. Laisse-moi 2 mois de l'écrire pour l'écrire. Ah non mais il faut que tu l'improvises là. Écoute, va alors, vas-y. Allez, JB. Attends. Truc genre. Oh Jérôme, le plus beau. Jérôme, vraiment, c'est une fierté de travailler avec toi. Tu fais les bons choix dans cette radio. T'es, en fait, t'es un post-trauma ou Brel, tu chantes pas vraiment, tu parles quoi, tu vois. Mais écoute les paroles, c'est les paroles, c'est important. Ouais. Jérôme, Jérôme Moutet. Jérôme, Jérôme Moutet. Heureusement que t'es là. On t'inquiète pas, tu sais très bien où il est, hein. Troisième étage, au fond du couloir. Oh là, je pense que t'as rendez-vous demain matin. Hein, à 6h, quand t'es terminé, pas de problème. Ah là, il doit dormir, mais on va lui enregistrer le passage et je vais lui mettre sur son mail. Très bien. Et il bien sera sûr, ravi. On ne pouvait pas finir cette émission sans l'imitation de Bruno. Ah oui. Évidemment, évidemment. Et je rappelle que demain je rembourse les factures. Oh non. Oh, c'est quasiment ça. Ah ouais, ouais, ouais, presque. Quasiment. Ouais, vraiment. J'ai cru que Bruno était déjà arrivé. Ouais, vraiment, c'est... Il est 6h. Ah putain, merde, on a fini tard ce soir, la merde. Non, parlez pas, j'arrive pas. Mais le rire, ouais, le rire, je le tiens bien. Hein. Non, sérieux. Bon, on va se quitter avec encore un son de la prog, j'y vais ou pas? Ah non, mais ce que tu veux, moi j'ai Britney Spears, mais si tu veux mettre autre chose, on met autre chose. Bah j'ai bien Both avec Both. Mais ton boss, ça va être bon, on va se... tu vas voir, tu vas entendre parler. Allez, on s'en remet 3e fois, vous l'avez bien kiffé, nous aussi. Tiens, Both avec Both maintenant. Donc c'est Both, c'est le nom du groupe, et Both, c'est le titre de la chanson aussi. Voilà, ils se sont pas fait chier sans ces temps. Bonne nuit. Allez, bisous. Bon. Allez, c'est parti, tu peux même faire l'intro, je te laisse. Alors voici Both avec Both. Y'a que Fun Radio pour jouer ça. Suce ma bite.